Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. FUGASH! Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. Adrien Méniel. Ah, mon pied! Bonjour, monsieur. Évident, des yeux comme vous, j'en ai vu deux fois et c'était dans mon slip. Eh ben, bienvenue. Wow, il est presque bonjour. Mieux, tiens. Bonjour, il est mieux, il l'est, ouais. Il l'est. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Ça peut devenir le vrai générique. Ouais, tout est ok. Voilà. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Je suis Florent Bernard et comme à l'accoutumée, je suis avec Adrien Méniel. T'as dit mon pied. Oh mon pied. Pardon, oui, bonjour. Bonjour. Nous sommes accompagnés de deux superbes invités. La première est comédienne, autrice et réalisatrice. Elle a plus ou moins défini ce qu'était l'amitié féminine dans le cinéma français pour toute une génération. De tout ce qui brille jusqu'à J'irai où tu iras. Elle a été Marina dans La Flamme, la duchesse d'Aquitaine dans Kaamelott, a joué dans deux adaptations de Franquin. Il n'y en a pas beaucoup quand on en fait c'est deux. Vrai. Et plus d'une vingtaine de longs métrages, c'est Géraldine Nakache. Ouais. Oh, tu vas faire du jingle à chaque fois. C'est guttural. C'est bien. Comédien, auteur, réalisateur, il était venu il y a quelques années. Il est de retour dans l'émission. Internet est déjà en train de péter un câble. Tu as été énormément demandé, je te le dis. Vous le connaissez, il fait des mythos ou quoi? C'est Jonathan Cohen. Oh oh. Eh ben alors les cocos, il est là tonton. Et on slip. Oh, il jette tout le monde mon pied. Comment ça va? Tout le monde va bien. Ouais. Je suis ravi de vous accueillir. Mais nous, on est très content d'être là. Ça fait longtemps que j'attendais l'invite. Hein. Bah. J'attendais. Hein. Oh, t'es super occupé. Mais t'es partout. Je t'es l'homme de l'année. Pourquoi Jonathan s'est enclenché immédiatement sur ce mode. Un mode un peu. C'est bah parce que c'est la radio. Oh, il est con, lui, alors. C'est un peu foufou. La radio, c'est toujours un peu comme mais c'est ça. La radio de 84. Alors, attention, les chansons. Attention. Ici, il y a des imitations. Il y a tout ce qu'il faut. Merci. Merci. Il faut le dire, Géraldine. Toi, tu connais pas trop l'émission. Et non. Et c'est vrai que je t'ai vu dans quelques podcasts récemment. C'était des Léna Situation, clair. Des Romain Fraissinet. Là, t'es chez les beaux. C'est un autre délire. Ouais, ouais, là, là, on est ailleurs. Mais là, je fais plaisir à qui? À Samuel et Gabriel Nakache, qui sont donc pas de ma famille, avec qui je vais gagner des miles. Ce sont mes neveux qui oui, me disaient tous les jours le pourquoi podcast. Tu fais pas ce, pourquoi tu vas pas faire ce podcast. Espèce de conne. Voilà. De ouf. Donc merci de me recevoir. Ah bah non, mais on est ravis et on les embrasse. Nakache, bisous. Bien sûr. Alors c'est l'épisode de Noël et je suis ravi de vous accueillir parce que je sais que Noël c'est très important pour vous deux. Ça, important. Ah oui, et dans nos religions aussi. C'est ça, respectives. Dans vos religions respectives. Ah oui, quelle religion? C'est... Oh, le... Journeyism. C'est un mélange de plein de trucs. Et donc du coup j'ai fait un petit tour du monde des petites traditions de Noël. Parce que dans tous les pays c'est différent. Est-ce que vous savez par exemple ce qu'est le Krampus? Ah, ça me dit quelque chose. Le Krampus. Je peux poser des questions. Hein, non, attends. Alors, ça se passerait par exemple à l'université? Pas du tout. Non, ça ne se passe pas. Par rapport à Krampus. Avec Krampus, bien sûr. Non, ça c'est Krampus. Par rapport au Krampus. Non, rien à voir. Qui est un autre monstre. Que ce serait une danse, une autre religion. Une danse? Non, ce n'est pas une danse. Non, c'est vraiment une créature. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui Et elle viendrait de quel pays alors? C'est ça qui est. Alors, la tradition nous vient blablabla d'Allemagne et d'Autriche, entre autres. Ouais, ça vient de. Ça sonne pas. M'étonne pas. Krampus. Non, mais je crois que je sais. Donc je veux pas trop. Oh bah dis-le. Non, je suis pas sûr. Ridicule, c'est pas l'équivalent du père Fouettard un peu? Très bonne réponse. Oh, ben voilà, monsieur la culture. Oh, il sait tout sur tout. Non, mais donc alors qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est pas lui qui porte des fagots de bois ou je sais pas quoi, un truc bizarre? Non. Ça là t'es un allez, j'ai merdé. C'est con, t'étais là, t'étais au top. Tu couperas ça parce que là, j'aurais plus aucun rôle après si je dis un truc comme ça. Là, je peux dire que là ça se tape au portillon. Les finaux. Là, Méniel là parce qu'on l'aime avec sa culture lui. C'était ça la blague. Alors d'après la légende, si le Père Noël apporte des jouets aux enfants gentils, le Krampus a lui pour mission du charbon il amène. Non, pas du tout. Allez, merde. Mais tais-toi. Je peux parler dans mon émission. Combien de fois tu veux glisser? Combien de fois il veut glisser par terre lui? On va pas te ramasser. Je redirai encore 3 erreurs. Je ferai encore 3 erreurs sur ce personnage. On a un Dyson mais on va Wow. T'as vu? Ouais j'ai, t'as et je cite parce que je suis en contrat avec eux. Ah ouais. Ça vient de tomber. Je suis hyper content. Et en vrai là c'est un vrai kiff. Ils ont beaucoup de têtes aspirantes. Moi j'adore. Ouais énormément. Ouais t'as tous les modèles. J'ai tout mais j'ai tout. Pauvre ami. Stop les digressions. Non mais attends, c'est l'émission. Krampus. Et donc il punit les enfants méchants. La plupart du temps il se contente de les effrayer avec son allure bestiale. Il leur coupe les doigts. Non, pas du tout, arrête. J'ai dit que je ferais encore 2 heures. Mais on dit qu'il jette les enfants méchants dans son sac. ou qu'il les enchaîne dans son panier pour les emmener en enfer. Ah, quel enfer. C'est vraiment un thriller. Ah, très sympa. Ouais, Francis Holmes. Mais c'est quand même une contrepartie. C'est-à-dire que la contrepartie positive, c'est un cadeau. Et sinon, c'est en enfer. En enfer. Tu vas au paradis, c'est genre, t'as un Dis cadeau. Donc, je vais te gronder. Non. En enfer. Tu vas brûler. Dans un sac. Horrible. C'est vrai que c'est très. Est-ce que vous avez des phobies, par exemple, des trucs qui vous. Ou peut-être même des phobies. Alors, toi, t'en as, Géraldine? Ouais. Quel genre? Le cafard. C'est à... Ah ouais, attends, l'animal, enfin l'insecte. J'ai pas la phobie du blues. Mais en revanche, j'ai la vraie phobie du cafard. J'ai tué premier degré, je crie, je pleure. Parce que t'as eu une mésaventure plus jeune? Ouais. J'avais, je sais pas si c'est toujours, on a toujours le droit d'en avoir, mais chez mes parents, il y avait un vide d'ordures. D'accord. Dans la cuisine. Je crois que la plupart sont condamnés. Ça, c'est l'enfer pour les cafards. Et bah, autant vous dire que du coup, on a eu des expériences avec mon grand frère. Mon grand frère qui se couchait, qui a 7 ans de plus que moi, qui se couchait bien plus tard que moi, je comprenais qu'il avait eu des mésaventures avec des cafards le matin quand je me réveillais, puisque je voyais des bols un peu partout dans le salon et dans la cuisine. Et en fait, comme il avait peur de les écraser, et ben du coup il posait des bols dessus. Oh là là. Et donc je pouvais me réveiller le matin. Le maximum de bols que t'as. 7. Non mais t'as pas compris, un vide d'ordure, c'est une catastrophe en fait. Ouais, il remonte et tout là. Ça remonte, c'est une cata. Et il paraît qu'il faut pas les écraser, sinon ça se multiplie. Oui, j'ai entendu. Un peu leur petit aqua boulevard à eux. Petit toboggan. Alors eux, ils veulent pas faire chier les apparts, ils veulent juste faire du toboggan. On peut délirer. On est des cafards. Ouais, quand même. Avec les années qu'on se tape, on a deux mois dans l'année, est-ce qu'on peut kiffer un peu? Ils sont vraiment détestés de tout le monde. Je sais pas s'ils ont conscience. Qui sont place. Adulés J'espère dans une région, c'est je sais sûr. Pas quoi, c'est certain. C'est sûr, il y a c'est toujours certain. Un truc. Oui, c'est sûr. Ouais, mais si, il y a bien oui, y a un continent où ils sont respectés. Quoi qu'il arrive. Ça nous fera un jeu pour le prochain épisode. Oui, voilà. Toi, Jonathan, une phobie, quelque chose qui te fait peur? Peut-être même quand t'étais enfant, peut-être? Non, pas trop de phobie. Il est bien dans ses pompes, ce mec. Il est bien dans ses pompes. Non, en vrai, il y a des choses. Voilà, les cafards, je déteste. Je pourrais pas en tuer un aussi, mais c'est pas une phobie. Tu dis non, pas. Non, mais tu perds jamais tes moyens. Je sais pas, tu prends l'avion, une souris, un rat, tu vois. Tu perds jamais tes moyens. Mais en vrai, le truc, c'est que ça a muté. J'ai muté là-dessus. J'avais peur des cafards, par exemple, aussi. Tu vois, c'est un vrai truc. J'ai moins peur. Tu vois, il y a les trucs qui sont calmés. Avant, je pouvais vraiment. Mais en vrai, après ça se calme, tu vois, c'est comme tu dis ah mais moi je déteste les épinards ou je déteste les trucs, et puis à un moment donné tu goûtes et puis tu dis t'as goûté 2-3 cafards et tu te dis bon bah, j'ai même pas eu des relations sexuelles avec les cafards. En vrai il y a un petit goût de reviens-y très très poli le cafard. Le colis rappelle. Adorable. Oui, il rappelle. Il envoie le petit message. Très déconstruit. Ouais. Le cafard. Pas une fondation. Pas une fondation chez le cafard. Au Japon, quel plat mange-t-on traditionnellement la veille de Noël? Alors, c'est un peu surprenant. Pas un animal bizarre. C'est la partie d'un animal. Ça va vous perdre. La sécrétion d'un animal. Pas la sécrétion d'un animal. Un insecte. Non, on mange pas de la merde de chauve-souris. Non, mais pour vous dire que ce n'est pas ça. C'est lié au monde animal quand même. Oui. En fait, c'est de l'animal, mais sous une forme particulière. La plume. On ne mange pas des plumes. Veux dire sous une forme, c'est la cuisson qui te rendrait le truc plus le dingo. Le plat lui-même. Non, en fait, c'est pas dingo. Sous forme d'animal, c'est des gâteaux en forme de. Est-ce que ce serait un petit poisson? Non, c'est un petit poisson. Un colino. Est-ce que tu me montrerais un petit poisson? Un petit poisson? Non, bien cuisiné. Non, mais par exemple, des pâtes de quelque chose? Il y a des pâtes dans le truc. C'est pas des poulpes. Donc c'est un animal grillé dans son ensemble. On est là-dedans. Voilà, c'est un iguane. Non, ce n'est pas un iguane. C'était précis. C'était ultra précis. Je quitte le plateau. Ouais. Non, iguane, bon. Ça m'intéresse plus. Bon, on m'avait promis. On des peut iguanes. Pas. C'est un animal qu'on peut pas domestiquer quand même chez nous, par exemple. Non, on peut pas domestiquer, mais il y en a chez nous. Il y en a chez nous. C'est pas si fou. En fait, malheureusement, ça vous donne un peu sur une fausse. Est-ce que c'est un animal qui chez nous est un animal de compagnie? Pas du tout. Ok. C'est un animal qu'on aime ou un animal répulsion? Pas répulsion, mais on s'en fout un peu souvent de cet animal. Les pigeons, ah bon, un pigeon, pigeon c'est pas mal. Ouais, et ben alors on est autour de la C'est un oiseau. Vers de terre. Pas vers de terre, c'est un oiseau. Un oiseau. Une autruche. C'est quoi, une pie? Une pie jacasse? Un merle noir? Pas un merle noir. On va dire un perroquet tout de même. Une perruche. Non, c'est un gros oiseau. C'est un gros oiseau. Non, c'est un petit oiseau. En fait, vous allez voir, vous allez être très énervé par la réponse parce que c'est un peu une fausse piste. Une chauve-souris. Non, mais c'est quoi les oiseaux qu'on voit dans le manga? C'est une poule. C'est une poule. Tu te fous de la gueule de qui? En fait, ils mangent du poulet. Ils mangent des chicken wings comme tout le monde. Oui, merde. Mais... Alors non, c'est là où c'est la bonne réponse. Ah, ils sont genre broyés. C'est un bucket de KFC le soir de Noël. Jamais de la vie, c'est une tradition japonaise. C'est impossible. Un saut de poulet frit comme repas de Noël? Point d'interrogation. Non. Figurez-vous que. Fin de l'article. Non. Non, pas du tout. Eh bien, non. Évidemment que non. Allez, salut. Figurez-vous qu'il ne s'agit pas d'une tradition insolite américaine, mais bel et bien japonaise. Ce n'est pas une blague. Au Japon, la chaîne KFC est prise d'assaut chaque veille de Noël. On estime que 3,5 millions de familles japonaises y viennent se délecter de poulet frit. Cette tradition tout à fait insolite a vu le jour grâce à un coup marketing de KFC dans les années 70. Ah. Après, les Japonais ont une passion pour les États-Unis du fait qu'ils les aient battus pendant la guerre. Et du coup, ils ne sont pas dans la détestation, mais dans quelque chose de respectueux à la personne qui a gagné. C'est comme ça, c'est les mentalités, c'est japonais. Ça fait partie un peu. C'est un peu du respect, un peu samouraï. Oui, mais quel rapport là avec veille de Noël institué à. Veille de Noël, si tu me laisses développer. Laisse-le inventer encore. On est véritablement dans une adoration de la culture américaine à proprement parler. Effectivement, Santa Claus. Qui s'écoute parler. Mais attends, je crois que vous avez un podcast bientôt sur les traditions un petit peu autour du monde. Oui, c'est ça, c'est un peu le tour du monde de Jojo. Voyage un peu plaisir sur la culture et sur les traditions. Le tour du monde de Jojo, vous nous parlez. Tour du monde de Jojo, pas en 80 jours. C'est quoi le jingle? Bienvenue. Alors, aujourd'hui. Ça fait juste avec de Lost un peu. C'est juste un fût en fait. Ok, c'est du didgeridoo ça, non? C'est du didgeridoo, je crois. Mais non, c'est un train, c'est pas ce que c'est. C'est nul. Ah non, c'est la bouteille. Ah oui, c'est la bouteille en verre. Eh ben, chacun y trouve son petit instrument. Moi, je sais ce que c'est. C'est un peu une toile vierge dont chacun peut. Voilà, quel artiste. Donc, le repas de Noël de KFC est si populaire que de nombreux clients commandent leur dîner qui comprend du poulet frit, du gâteau et du champagne des mois à l'avance. Il y a du champagne à KFC ? Ouais, au Japon. Incroyable. Ah ouais, mon pote. J'ai à Tokyo là, je te dirais, mais. Ok, je veux bien. Je veux bien que tu me tiennes au courant, s'il te plaît. Au courant. En Norvège, on planque les balais le soir de Noël, à votre avis, pourquoi ? Pour faire peur aux mauvais esprits. Oui, non, mais pourquoi ? Ah oui, pour repousser les mauvaises ondes, les mauvaises. Non ? D'une certaine manière. Les sorcières, pour éviter. C'est lié aux sorcières. Regardez ce qu'on en fait. Ils y croient, moyen de locomotion. Ils y croient. Oh non, Jonathan, le dérapage. Sur les Norvégiens, le bad buzz. La maison de la Norvège, là, ils vont me foutre. Attention les tweets. Et hop là, les saumons. Terminé. En Norvège, on croit mordicus que les sorcières et les mauvais esprits errent dans le ciel nocturne la veille de Noël. Et quel est le mode de transport préféré des sorcières? Les balais. Les balais. On mange un balai par prudence, les Norvégiens cachent. On leur fournit des moyens de locomotion. On leur fournit des Dyson. On retombe sur nos pattes. Ils vont beaucoup être contents plus avec les Dyson, les sorcières. Imagine ou pas, l'avancée. Oh putain, regarde là. Mets-le en mode hyper boost. Mets-le en turbo. Oh la vitesse. Putain, la vitesse. On dirait un avion. Elles viennent du sud. Ah ouais. Oui, c'est en Norvège, mais c'est l'accent norvégien, ça. Typique. Passe-moi un peu de cet élan là. Tu prends le mops? Non, c'est pas du tout. Si, c'est un peu. Ils en bouffent aussi. On est entre nous. De toute façon, t'es en bad buzz avec la Norvège. Ouais, bad buzz, on sort dessus. Est-ce que vous êtes superstitieux? Adrien, je crois connaître à peu près la réponse. Non, pas du tout. Géraldine, toi, est-ce que t'as des petits trucs de superstition? On dit en vrai la vérité? Ah ouais, on est en famille, on est entre nous. Pense au public, ils veulent te connaître. Je dis la vérité quand je passe sous un échafaudage. Et souvent, c'est doublé. Vous avez remarqué qu'il y a échafaudage et échelle, quoi qu'il arrive. Oui, il n'y a pas quoi qu'il arrive. En tout cas, à Paris, c'est le cas. Dessus, les mecs. Bien entendu. C'est vrai que je croise un peu les doigts. Ah, t'es pas bien. Mais vite fait, mais j'en parle pas. Ouais, et d'accord. Comme là, on est entre nous, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, en vrai, je touche du bois aussi. Ah ouais, touches du bois. Je touche du bois, mais en thread. Vas-y, genre, t'as du bois sous la main. Tu le dis pas d'ailleurs. Ma mère, par exemple, fait. Et donc là, je touche du bois. Enfin. Tu l'entends à l'autre bout de la batterie. Mais ma mère, elle est Phil Collins. C'est Madeline. Elle a eu des bongos, sa mère. Les tambours du Bronx. Elle a fait j'ai filé des manger. Viens manger. KFC à la japonaise. À vous. C'est ta mère qui avait fait le générique de Ça se discute à l'époque. Ah ouais. Faut dire tout. C'est sa mère. Touche du bois. Il en a pas assez touché d'ailleurs. Et donc toi du coup tu. Attention là. Donc toi du coup tu le touches mais en loose dégueulasse sous la table, tu vois. Genre ah bah j'espère que ça va le faire. Et moi il croit que je le vois pas parce qu'à chaque fois je lui dis putain mais c'est super ce que tu fais et tout. Ah ouais non ça va. Ouais, mon erreur c'est que je fais pop. Ben, non, tout va bien. Il fait Scatman en même temps quoi. Il chante Scatman en même temps. Mais Flo, on peut te faire un compliment. Jonathan, toi est-ce que t'es superstitieux? De moins en moins. Ah mais dis donc, t'es de moins en moins phobique. Non mais il est en fait. J'ai j'évolue. Ce mec-là est devenu daron, j'ai l'impression. Non, attendez, il se déconstruit, ce mec, sous nos yeux. J'évolue et mes peurs donc évoluent. Ouais. Il adore les voyelles. Effectivement, j'étais plein de peurs, d'angoisses, de trucs comme vous pouvez pas imaginer. Et t'as médité. J'ai médité. J'ai été voir un petit monsieur sur un canapé. Il me demandait d'enlever mon fut. Et j'ai dit, bon, bah alors. Et avec qui je parlais. Voilà, c'est la médecine du travail, effectivement. Et non, mais j'ai évolué, mes peurs ont évolué, j'arrive à mieux les dompter, les canaliser. Du coup, avant j'étais hyper superstitieux. C'est vrai, hyper superstitieux. Oui, les chats noirs, les trucs comme ça. Ah ouais, carrément, et ah comme oui. Ma mère est un peu superstitieuse aussi, elle te balance du sel, tu fais tomber du sel, elle t'en balance à la gueule, comme Spider-Man, une toile d'araignée. Et donc, en vrai, et quand tu pars en voyage, faut jeter le petit verre d'eau. Petit verre d'eau, ouais. Ça pour et le coup, ouais, c'est même ça, pas. C'est très culturel, c'est très, mais en vrai, nous, on vit avec les superstitions culturelles. Absolument. Donc t'es plein de ça, et puis à un moment donné, tu t'en détaches parce que t'évolues, et puis t'as moins peur de voyager, puis tu dis bon bah c'est la vie, si je dois crever, je dois crever, et puis c'est putain, tout. Putain, mais ce mec, putain, c'est Johnny, hein, Jonathan, c'est Johnny, en fait. Putain de camion, c'est tout. Putain de camion. Il comprend un peu les chanteurs, mais c'est génial. Il comprend les chanteurs. Non mais en vrai, oui, j'ai rationaliser les choses, je les ai rendues moins moins immenses. Prends mes moins démons, mes démons sont moins t'as réduit gros. L'emprise qu'ils avaient sur toi, quoi. J'ai réduit, ils sont toujours là, ouais. Toujours des démons, salut les petits démons. Qui est ton autre podcast, salut les petits démons. Voilà, c'est ça. Vous voulez le jingle, c'est quoi le jingle? Non. Ah oui, c'est salut les petits démons, coucou. Allez. Et ils te répondent. Ah ouais, ils te répondent quand même. J'ai ma marionnette et tout. Ah hein, oui. Donc, oui. Ils ont des petites voix, la crise du frog et tout. Je suis co-host. Ah ouais. J'ai mon petit démon qui avec est là. Avec Lucifer. Salut Lulu. Coucou les totos. Alors, aujourd'hui, on va parler du manque de confiance. T'es nul. Voilà. Oh là, c'est pas que Lucifer. Lucifer, tais-toi. Non, ils sont nuls. C'est hyper bien. Lucifer. Ah, c'est hyper, c'est moderne, surtout. Bah ouais, c'est ça. Et le pire, c'est que des gens vont vraiment te proposer de le faire après. Ah bah, il faut le faire, c'est une idée géniale. Hein. Personne ne va faire. Ils ont je travaille tous chez des Spotify. Accents d'ici, je suis chez Spotify, ouais, on a entendu Spotify. Sur le flotte, on écoute tout, nous. Hein. On écoute tout, on est très fan. Et là, le Lucifer, franchement, ça part d'une blague, mais c'est pas quand. Hein. C'est pas quand, hein. Là, on a vu l'audimat. C'est Maïté. Là, on a... Non, mais arrête, il n'y a pas de blague. Hein. Ah non, sérieusement. Non, hein. Oui. Bah ça me fait plaisir, écoutez. Ah bah, franchement, oui. Moi, personnellement, j'ai envie de l'écouter. Ça s'arrête toujours sur une fin de vie, en fait. Ces chutes sont des morts. Je sais pas où je vais. C'est littéralement une chute. Je chute réellement. Mais t'as pas ça avec les enfants. Moi, j'étais pas du tout phobique. Par exemple, j'avais pas peur de la mort. J'avais un espèce de truc où je m'en fous un peu. Petit sage. Mais ouais, c'est vrai. Mais on m'appelle le petit sage aussi. C'est un jackass, ce mec. Non, mais pas peur, j'y pensais pas. Non, mais t'y pensais pas, ouais. Si t'y penses, je pense que voilà. Mais depuis que j'ai un enfant, par contre, c'est vrai que c'est très genre, oh là là, mais en Dieu, ça va arriver. Et comment elle va faire ça, tout ça. Tu pourrais pas que ça déclenche d'autres peurs quand même, les enfants. Bien sûr, les enfants, ça déclenche. Mais même sur ta propre. Mais je trouve que c'est marrant, moi, c'est plutôt l'inverse. Ça les aplanit, moi. Depuis que je suis maman, je me dis, va pas t'effondrer sous tes peurs quotidiennes qui ont pas de sens. T'as pas le temps avec ces peurs-là. Arrête de penser à ton petit nombril et à ton petit avion qui va s'écraser. Pense plutôt à si elle va bien manger ce soir. Tu vois. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que du coup, moi, ça annule. C'est plutôt l'inverse, moi. Ça se met plus ou moins derrière moi avec le temps. <C'est> on pourra jamais, faire des phrases. Non, mais là, ce que t'as fait, non, le péter en plein podcast. Tu te rends compte de ce que t'envoies. Mais là, en parlant d'un truc aussi profond, mais c'est dingo. Ah là, moi, j'achète pas le podcast. Spotify. L'émission, est-ce qu'on a une autre émission au premier? C'est Géraldine qui pète. Est-ce que ça vous dit ou pas? Non, ça j'ai pas aimé. Et franchement, j'ai fait écouter à plein de gens. Ils ont détesté. Hein, ça, on en veut pas. Bon, tant pis. Ah, on peut pas faire carton plein non plus. Oui, c'est ça. Tout n'est pas. Une émission sur deux qui est a priori finie. On en a deux, c'est déjà pas mal. Bon ratio. Ça va, bon, c'est pas mal. Quelle honte, c'est mais vraiment... en tout cas, je comprends ce que tu dis, même si j'ai pas d'enfant. Que ouais. quand t'as des angoisses et tout, s'occuper de quelqu'un d'autre, ça permet de oublier tout ça, quoi. Et puis sur les questions professionnelles, beaucoup aussi. Les trucs de. Enfin, c'est fou comme le taf. Attention, tu vas péter a priori. Si ça dure un peu trop longtemps, Jonathan va te faire péter. Plus de 30 secondes. Comment ça se passe? rire. Ouais, ouais. Il devrait faire ça, c'est vert quand ça dure trop longtemps. Oh là là. Et le présentateur qui fait oh là là. Ah, c'est l'émotion, c'est plein de choses, mais là, c'est pas possible. Oh là là, dis donc. Girardot là. Et merci à toi, Jean-Yves de m'avoir. Oh, oh non, Annie. Je vous dis que je vais pas boire. Oui, c'est ça. Un bel hommage. Un bel hommage à elle. Ça marche pas mieux que la musique. En Catalogne, il y a une tradition nommée. Alors, on est encore dans la. Parce que, donc, voilà, on n'est pas du niveau de l'ENA situation. La tradition de la bûche qui chie. Donc. Mais attends. Mais les gars, ça rejoint. Non, non, on l'a déjà eu, ça. Soit l'enfer, soit la bûche qui chie. Plus, pas possible. Eh oh, tu nous fais pas du réchauffer, il a dit que vous l'avez déjà fait. On l'a pas fait, ça. On l'a pas fait. C'est pas, on a parlé de bûche de Noël. Mais pas mais on n'a pas parlé chie. De la bûche qui chie. Qu'est-ce que c'est que ça? La bûche qui chie. Parce que tu sais, pendant la tournée, t'as fait une news et on l'avait vraiment déjà fait. Je sais, ça fait 8 ans qu'on non, mais fait je ça. Sais, je sors la tête. Ah, c'est pas ça, je suis pas ma boule. Je suis pas ma boule. C'est parce que toi, quand je dis ça, tu fais mais n'importe mais quoi. Non, jamais, c'est pas ma boule. Là, c'est pas ma boule. C'est un petit almanach. Il sait tout. Almanach Méniel. Bien sûr. Mon podcast cherché dans le passé, celui-là. Dans le futur. Bonjour les geeks. Salut les geeks. Salut les petits clins d'œil. Ça donc, marche très bien. La tradition de la bûche qui chie, c'est en Catalogne. À votre avis, en quoi ça consiste? Donc. Vraiment? Bah non, non. Mais si, mais putain, on l'a eu. Mais pourquoi? Alors attends, si t'es si malin, dis-le alors. Mais je sais plus. Donc c'est pas évident, c'est donc pas parce qu'on non, en mange trop que non, on va c'est pas lié exemple, à la toilette. Digestion. Ouais. Mais c'est non, pas lié à Noël. Si, si, si. Vas-y, la bûche. On parle de Noël. Oui, mais attends, La bûche qui chie. On la met dans les chiottes? Non, non, vraiment, il y a rien de crado à part le titre. Il y a rien de crado. D'ailleurs, c'est même fou d'appeler ça la bûche qui chie. Ah, c'est fou d'appeler ça comme ça. Donc, est-ce que c'est pas parce que c'est pas une bûche qui a pas une forme de bûche, qui serait une espèce de bûche qui est un peu merdée, non, quoi? C'est une forme de bûche, mais c'est la façon dont elle est sortie. Donc, elle est ramollie. Non, elle est présentée. Elle est pas présentée, mais c'est la façon d'utiliser cette bûche en fait qui peut. C'est un dessert, on est d'accord. Par la fenêtre, un truc comme ça. Est-ce que ça se mange? Est-ce que ça se mange? Ça se mange, c'est un dessert. Ça ne se mange pas, très bonne question. Attends, c'est une bûche. L'aliment quoi enfin, non, c'est non, voilà, c'est une bûche du bois. Ah, c'est une bûche, c'est une bûche qui bois. Est d'ailleurs l'origine. À attends, l'origine, elle n'a rien vraiment... à voir avec la crèche, tout ça, c'est non. Pas christique, c'est vraiment Noël. La donc bûche chichi n'a rien à voir avec la. Est-ce que ce serait pas la bûche qui permet d'éteindre un feu dans une cheminée, par exemple? Elle merde, elle fait tout. Ah oui, elle éteint le. Non, elle éteint le feu. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Bon, dis-nous, on sèche. Non, mais attends, mais putain. S'ennuie très vite. S'ennuie hyper vite. Quand je lui ai dit c'est pas dans les chiottes, il a fait bon, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est ça. Non, mais je vais vous raconter en quoi ça consiste. En Catalogne, il y a une tradition unique appelée Tio de Nadal, qui se traduit vulgairement par la bûche qui chie. Oui, attends, putain, Raphaël Nadal, ça veut dire Raphaël et le chieur. C'est pas grave. Non, mais parce Raphaël que. Raphaël le chieur. Non, mais... Raphaël le chieur. Wow. Mais c'est vrai, peut-être. Non, mais parce que. Tu sais pourquoi? Parce que j'avais en tête, je sais pas pourquoi, un truc avec un oncle. Et là, t'as dit Tio, qui veut dire oncle oui, en espagnol. Oui, ça veut dire oncle Tio. En espagnol. Non, cousin, ça veut dire, non? Je sais plus. Ouais, Tio, non, c'est peut-être, ouais, t'as raison. Je crois que c'est cousin. J'avais un truc. Ne vous embrouillez pas. Tio, ouais, pardon, j'ai dépassé les bornes, pardon. La bûche creusée est dotée d'un visage de jambes et d'un petit chapeau rouge. Et à partir du 8 décembre, les familles la nourrissent chaque soir en la remplissant de petits bonbons. Elles mettent également une couverture sur la bûche pour la garder au chaud. Un tamagoshi? Une sorte de tamagoshi. Et la veille de Noël, la bûche est placée dans la cheminée, évidemment, qui n'est pas allumée. Et les membres de la famille se relaient pour la frapper avec un bâton. Et ça coule, c'est pour ça qu'elle chie. Lui ordonnant de déféquer les bonbons. C'est une piñata. C'est horrible. C'est pour ça qu'il pourrait appeler ça juste une piñata de Noël. Ouais, non, ouais. Parce qu'elle chie vraiment, ça doit couler, ça doit faire comme pas de que la ça merde. Coule. Bah, s'il la remplisse de bonbons attends, et qu'il la fout au feu, nous ça doit une image Google. J'ai pas d'image, Il y a pas d'image de ça. Il y a pas d'image. Bon, de c'est, ça. Bon, c'est qu'à mon avis, ouais, c'est menteur, menteur. C'est une tradition encore. Non, c'est une tradition un peu. Ça, il va débunker ça dans son podcast. Il va débunker dans son podcast, Jonathan. Et bien aujourd'hui, en Catalogne, El Tio de Nadal. De Nadal. Sortons tout à fait de Noël. Mado, une brestoise de 94 non, ans. Niçoise, tu veux dire. Ouais. Non, elle est brestoise. Ah ouais, c'est étonnant. Elle est brestoise. Elle est brestoise. A réussi à niquer le propriétaire d'un laser game. À votre avis, comment? Avec, elle a pris sa télécommande de télé. Elle a tiré sur les gens avec. Non, pas du tout. Parce pas que du tout. Ça marche. Ça marche ça? Ah ouais? Je sais pas. Oh là là, celui-là. Non, ouais, mais c'est parce que moi j'avais un jouet à l'époque où il fallait tirer. C'était des... Je me souviens très bien. Ça marchait avec la télécommande. Avec la télécommande, ça marchait. Mais oui, et ça marchait avec la télécommande. On pouvait les faire. Ah, putain, pas là, mal. Ouais, alors attends, elle a réussi à quoi? Elle a réussi à. Le mot arnaquer n'est pas vrai parce qu'au final, elle avait le droit. Mais elle a réussi à voler un petit peu un laser game d'une certaine elle, manière. Elle s'est cachée dedans. Est-ce qu'elle s'est cachée? Elle a passé la nuit dedans? Non, elle s'est pas cachée dedans. Elle a acheté son propre pistolet laser. Non, c'est lié à son âge. Hein. Dites-vous qu'elle a 94 ans. Et donc elle a pu profiter d'un truc avec ses 94 ans. Je vais vous donner un petit indice. Ouais. C'était pendant le Black Friday. Et c'est un indice qui a son intérêt. Ah, genre, c'était le... Et là, on refait exactement la scène et le flashback. Bon. Bonjour madame. Bonjour. Ouh, vous êtes sacrément vieille. Asseyez-vous sur cette chaise. Bah merci. Voilà. Bon, moi je vais partir d'ici, fermer la boutique. Oh là, j'ai rien oublié. Mais pourtant je suis assise là. Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Vous êtes ouvert ou pas? Hein? Non, attends, est-ce que c'est un truc avec. Non, on est fermé. Et malheureusement. À demain, hein. Moi, allez. Ça va nulle part. J'ai l'impression que c'est pas les trucs. Voilà, c'est pas les trucs. Merde, la vieille, elle m'a baisé. Vraiment, ça va nulle part. Est-ce que c'était genre, tu donnes ton âge et c'est l'équivalent de ta réduction? Elle a 94%. Très bonne réponse. Pourquoi je m'ai pensé à ça? Moi, j'ai fait une mise en situation. Horrible. Tellement pointu. J'ai oublié la vieille, elle avait volé la caisse. Il y avait des ristons selon l'âge. Elle a acheté 100 parties. Qu'elle a offert aux gens. Oh, j'adore. C'est Robin des Bois, la vieille. Des réductions sur le prix des parties calculées au prorata de l'âge. Mignonne. Donc si t'avais 30 ans, 30%. Si 40 ans, c'est 40%. Magnifique. Moi j'ai une question. Si t'as 102 ans, ils te donnent de l'argent, les mecs? Oh, ouais. Le laser game de Brest est en train de chier dans son froc. Non, on va enlever ce truc. D'ailleurs, il y a un super docu sur Netflix sur le, tu sais, sur Pepsi. Oui. Tu pouvais gagner un jet. Ouais, on en a parlé. Ouais. Et ben trop tard. Alors, alors je vous montre quand même la vieille. Regardez comment elle s'éclate au laser game. Ah, il a joué quand même. Elle est venue. Non, elle a posé. Elle a posé. Elle n'aime pas y jouer. C'est pour le buzz, la vieille. Elle est mignonne, Mado. Elle est toute mignonne. L'embrasse. Adorable. Toi, Géraldine. C'est petits enfants qui ont eu l'idée. Toi, Géraldine, qui a presque ton âge. Vas-y, mamie. Un de tes premiers métiers dans le divertissement, ça a été de caster des vieux. Oui. Est-ce que tu peux raconter ça? Caster des vieux, allez. Captain Igloo, là. Captain Igloo. Non, j'ai bossé pour Groland. C'est vrai qu'à Groland, j'étais l'assistante de la directrice de casting et qu'on castait très souvent des gens de plus de 70 ans. C'est ça, mais des gens qui font des trucs de ouf dans Groland. Alors justement, c'était un peu gênant parce que c'était évidemment pas du tout des acteurs, donc on allait chercher dans des clubs de... Vous êtes du casting sauvage, quoi. Ouais. Club de tango, club Harley Davidson, machin. Et souvent je devais appeler des gens. Oui, bonjour, vous allez bien, Monique? Est-ce que Lucien est-ce que je pouvais me passer Lucien? Alors souvent on me disait, bah, il est mort, ma chérie. Et sinon on me passait Lucien et je devais demander à Lucien s'il acceptait de venir tourner dans un sketch de Groland où il devait souvent dire bonjour, j'ai trois couilles et j'arrive pas à m'en sortir. Ou des trucs comme ça. Il est à poil. Et ils étaient souvent à poil, ou alors quand ils n'étaient pas à poil, il fallait qu'ils disent des trucs un peu aberrants. Bien sûr. Et mon jeune âge faisait que j'y parvenais. Et à un moment donné, j'ai dit, ça y est, je vais arrêter avec ça. Je suis très mal à l'aise. Au bout d'un moment, il y a eu un petit malaise. À un moment donné, j'étais pas bien. Ouais. Parce que souvent, je les faisais venir un peu en casting pour les filmer, pour qu'on ait une banque d'images. Ouais. Canal+, ça se passait comme ça. Et souvent, il fallait que je prenne du temps avec eux, parce que c'est pas des acteurs, tu vois. Et souvent, ils me disaient, oh, je peux vous dessiner, vous ressemblez à ma nièce morte d'une leucémie. Oh des là trucs. Là. Donc, à un moment donné, au bout de deux ans, je me suis dit, allez, ça y est. Filtre, allez, je vais aller caster des mannequins, ça va être plus sympa. Est-ce que t'as fait ça derrière? Et j'ai fait ça derrière. En fait, après, j'ai casté pour Comédie, la chaîne Comédie. Comédie pour l'exclamation. Exactement, enfin, les speakerines de la chaîne qui s'appelaient les Patrouilleuses. Et Dominique Farrugia m'avait dit, je veux qu'elle soit trop belle. Donc je castais vraiment des mannequins. C'était un peu l'esprit de l'émission. Exactement. Ouais. Laetitia Casta, tu l'as castée? Allez, qu'est-ce qu'il est fort. Ça c'est fort. N'est pas Jonathan Cohen qui veut, j'ai l'impression. Il sort un almanach, Jonathan, là, en 2023. L'almanach de Jonathan. C'est moi, plein de mots. C'est moi. C'est Méniel qui le fait. Je connais tout. Et donc c'était un peu ton premier métier dans le divertissement. Exactement, c'était mon premier job. C'est fou. Et toi, Jonathan, c'est un peu la Géraldine. C'est un peu lié à Géraldine, pardon. Ton premier métier dans le divertissement, c'est une scène de Comme tu es belle. Oh waouh. Wow, oui. Non, c'est mon premier petit rôle de toute ma vie, c'est toi, c'est avec toi. Et c'était mon premier jour de tournage de toute ma vie. Il y a fait beaucoup de premières fois. Incroyable. La première fois que j'ai fait l'actrice, le premier jour de tournage, c'était avec Jonathan dans le film de Lisa Azuelos Comme tu es belle. Chier dessus. Oui, j'avais une micro-scène, je l'avais répété comme un ouf. Mais oui, parce que c'est pas. T'as un gros plan, c'est pas juste t'apparaître dans non, le sens. J'ai joué non, il est même l'essence comique de la scène. Ouais, c'est lui qui fait la. Je me souviens quand j'avais peur et tout, et toi, c'était sa première fois. Ah, aussi. Moi aussi, c'est horrible. Moi, j'étais au conservatoire à cette époque. Excuse-moi, c'était pas le conservatoire, c'était le cons. Oh, oui, le cons. Mais bon, c'est pour les auditeurs qui connaissent pas forcément tous les véritables. Oui, ce qui se passe derrière les vrais rouages. Mais j'avais peur. C'est ma première fois à l'image. Et ça comment, se voyait pas du tout. Et comment t'as été casté, toi, du coup, sur ce film? Comment t'as trouvé? En vrai, moi, je connaissais un peu Lisa Azuelos. D'accord. Voilà, qui, elle, à la base, était scénariste. Donc, qui avait jamais fait de film. Elle avait réalisé 15 août. Elle avait écrit 15 août. C'était son premier film de réalisatrice. C'était à l'époque où, on avait des potes en commun. Et un jour, elle dit, putain, je suis en train d'écrire mon film et tout, et aimerais bien que tu joues un petit rôle dedans. Je fais, ah ouais, putain, trop cool. Et elle a tenu sa promesse. Magnifique. Voilà. Je trouve que c'est le hasard sont fous. C'est une histoire du Cinoche parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Parce que moi, je sors un bouquin bientôt sur le monde du Cinoche. Ah ouais. C'est dedans. Bah, tu peux la foutre dedans. C'est Flo-Flo flingue le Cinoche. Dedans, je suis déguisé en cowboy. Ah ouais. Ah, ça doit être super. C'est les télécommandes. Je tire sur une. Un salarié a été viré en 2014 et la justice a enfin tranché en sa faveur. Oui, ce licenciement était abusif. Pourquoi a-t-il été viré selon vous? Alors, est-ce que c'est un rapport à une petite habitude qu'il avait au travail et les gens ont dit bah ça dégage et en fait il était dans son bon droit? Non, pas du tout. Waouh, c'est très long pour comprendre. J'aurais pu vraiment l'arrêter au milieu. Est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui a. Non, c'est quelqu'une. Est-ce qu'il a pas fermé la porte aux toilettes ou un truc comme ça? Un truc indécent comme ça. Mais je vois que t'as tout de suite compris l'esprit de ce podcast. Je m'adapte bien. Ouais, non, c'est pas lié à un truc un peu crado comme non, ça. Non, pas du tout crado. Non, pas du tout crado. Est-ce que c'est lié à Noël ou pas du pas tout? Pas du tout. Là, c'est sorti de Noël. Ouais, mais fallait le dire. Ah, excusez-moi. Vous avez de la nourriture dans la bouche. Pas du tout. J'ai toujours parlé comme ça. Alors attends, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il a fait un canular téléphonique. Alors justement, je vais même vous orienter un petit peu. C'est pas quelque chose qu'il a fait. C'est quelque chose qu'il n'a pas voulu faire et du coup, il a été viré. Alors, il a pas voulu. C'est une tradition, un rapport à une tradition? Pas une tradition. Un truc qui se fait souvent dans une entreprise et il a pas voulu le faire. C'est vraiment dégueulasse. Bien devant le micro surtout, Jonathan. Oh là là, quel enfer. Attendez, oh, c'est la vie qu'on filme. Hein, quelle horreur. Même dans la vie, les gens, on va pas leur. Oh. C'est regardez, ASMR. C'est chaque ASMR. Fois, il y a un accent du sud, mais pas vraiment le même. Oui, c'est là que c'est fort. Un truc de région, il y a Bordeaux, il y a. J'ai plusieurs régions. Il y a Toulouse, il y a Marseille, c'est jamais. Fouillez dans son sac, il y a plein d'accents du sud. Il y en a pas qu'un. Accent de 7. Attends, qu'est-ce qu'il a pas voulu faire? Non, mais est-ce que c'est un truc qui se fait généralement dans une entreprise? Ah oui, oui, et oui, lui il a dit non. Alors il a pas pointé, il a pas les fêtes de ça il a pointé. Les fêtes de au revoir? Alors pas vraiment, mais c'est du CE, les il a pas voulu donner pour le départ de quelqu'un. Ah, ça aurait été marrant. Ah ouais, il a pas c'est pas ça. Tu donnes rien pour Jacob, toi? Bah non, je suis désolé. Je suis désolé. Bah tu es viré, mon pote. Attends, il a pas été un événement du comité d'entreprise. C'est ça. Vous avez un truc de team building, genre un truc. Non, là c'est vraiment les soirées d'entreprise en fait. Il n'a pas voulu y aller. Enfin, simplement. Qu'est-ce qu'il veut? La société en question, Cubic Partners, avait viré son directeur en 2014, prétextant une insuffisance professionnelle et accusant celui-ci de ne pas assumer les valeurs de l'entreprise. Oh là, c'est dur. La justice française moi, je suis dans sa team à fond quoi. Bah oui, la justice française a considéré le licenciement de ce salarié comme injustifié, estimant que les motifs invoqués par l'entreprise n'étaient pas fondés. Bah oui. Donc il a dû prendre un sacré chèque, le petit loulou là. Il estime avoir été licencié suite à un comportement critique et son refus d'accepter la politique de l'entreprise basée à l'incitation à divers excès. D'après l'arrêt, cet aspect fun devait se traduire par la participation au séminaire et au pot de fin de semaine. Il veut pas prendre de coke. Attends, mais pot de fin de semaine, non, mais toutes les semaines. Ouais, non, c'est les trucs un peu tous les vendredis. C'est un peu WeWork quoi. Il veut pas aller au fait WeWork. C'est ça. Et du coup, virer le man. Tu veux pas comme avec l'autre, avec son accent là. Vous l'avez vu WeWork ou pas? Non. Ok, bah je suis solo alors. Non, mais il y a un accent. Voilà. C'est Jared Leto qui fait un accent, gars. Ah oui. You don't want to make the party, to make the team building. Bien, c'est toujours bien. Les accents, c'est toujours bien. Mais Jared Leto, il est très bon en accent. Il est fort. Sauf dans Gucci. Ça quoi, il fait Marocco les pasta. Yes, vous êtes Gucci. Ah, la pizza. We are all Gucci. All Gucci. Non, mais tous, c'est un peu carnaval, non? Non, ouais, mais Gaga, Lady ça marche bien. Ouais. Gaga, elle est trop forte. Ça marche très bien, mais quand même, on dirait comme un ballon. Pas du tout. Pas pour les Gaga? Elle est portugaise. Non. Mais non, elle est italienne, d'origine italienne. Oh là, oui. Attends, Jonathan. Je suis là. Parce que c'est pas parce qu'elle est d'origine italienne qu'elle est censée nous parler comme une italienne du sud. Non, point de mauvaise foi quand même. Bon, d'accord, là j'ai perdu face à toi. Il avait raison. L'Almana, c'est vrai que c'est l'Almana. Mais c'est dans House of Gucci où il fait. Il y a une phrase trop bizarre où il dit: des fois tu crois que le chocolat c'est du chocolat, mais c'est de la merde. C'est de la gomme ça, non? Non. Le premier jet de Forrest Gump. Ouais, La V1. La vie c'est comme une boîte de chocolat et parfois c'est de la merde. Ouais, non, on va pas aller là. On ira pas là. Je crois qu'on va pas avoir l'Oscar sur celle-ci. Il a fait changer. Et en fait c'était pas une plume, c'était une merde d'oiseau qui tombait. Il y avait de la merde partout. Dans Forrest Gump à la base. Est-ce que vous êtes des gens sociables par exemple? Oui, méga sociable. Ah ouais, sociable de ouf. Oui, quand même. Sociable de ouf. Mais est-ce qu'il y a vous sentez parfois une injonction? Est-ce que vous êtes des gens marrants? Est-ce que vous sentez parfois une injonction de ah là faut être rigolo, c'est le moment de faire des. Moi je le vois avec, par exemple, de l'extérieur. Par exemple, j'ai déjà vu Jonathan très sollicité dans la rue notamment. Ouais. Et c'est vrai que je vois les gens attendre souvent un mytho, par exemple, une espèce de, un Serge le mytho, un personnage. Je les vois attendre ça. Bah, c'est vrai que ça peut être fatigant. À 2h15 du matin, par exemple, à un moment donné. Non, mais après, moi j'ai une patience qui est au-delà du réel. Je suis une patience où je ne veux jamais que les gens en face de moi se sentent mal à l'aise. Parce que des fois, ils sont même mal à l'aise à venir te voir en plus. Exactement. Donc en vrai, il y a des moments comme ça où tu veux pas, je veux pas les faire se sentir mal parce que moi, j'ai envie de faire ma vie aussi, tu vois, de trucs. Ouais. Donc du coup, je suis resté dans des tunnels. Ça peut être très long, quoi. Tu vois, tiens, le temps de 2 minutes, je te montre une vidéo là de ma cousine qui t'imite. Et en vrai, je vais pas dire non. J'arrive pas à dire non, je peux pas dire non. Ouais, donc je suis là, je fais bah, vas-y, fais voir. Attends, je la trouve. Attends, les photos, il faut que je les classe. Donc ça prend 20 minutes déjà à essayer de trouver le truc. Après, vidéo. Non, c'est pas celle-là. Toujours. Pourtant, c'était à Suresnes, dans le 92. Ah, mais moi, j'adore. Et en vrai, tu te retrouves dans des tunnels assez fous. Mais même dans des soirées avec des gens que tu connais, est-ce que des fois tu dis ah putain, faut que je fasse des vannes? Non, avec les amis ou avec les gens que je connais vraiment, non, je me force pas. Enfin, non, mais il se force pas, mais c'est sa nature. Tu vas arrêter de parler la bouche pleine, bordel. Il est fou, tu vois. Mais c'est la vie, c'est Claude Sautet, ce mec. Fais la salle sud. Elles sont bonnes, tes paupières. Non, mais. Mais vraiment, non, mais c'est sa nature aussi à Jonathan d'entertain. Donc c'est... Mais en vrai, je vais jamais me forcer. Non, tu vas pas te forcer, mais c'est ton ADN. Quoi. Et quand j'ai rien à. Je suis pas d'humeur, on va dire, drôle ou quoi que ce soit. Ouais. Je sais pas, je parle normalement. Oui. Mais je me force plus. Non, mais ton prisme, en tout cas, c'est plutôt l'humour. Oui. Quand t'as un truc à raconter ou quand t'as un truc à relater, c'est plutôt via après, la prise de on a des conversations hyper deep. Oui, aussi, bien sûr. Bah, sinon, ça serait l'ennui. Bah là, c'est ce qu'on est en train de faire depuis le début. Après, quand c'est un peu trop deep, je crois que tu fais des paix avec ta bouche. Non, j'ai jamais entendu un truc pareil. C'est presque de la diffamation. C'est parce que j'étais un peu long, j'ai fait des paix. Mais est-ce que c'est pas lié au rôle qu'on a quand on est enfant aussi? Par exemple, toi, Géraldine, c'était quoi ta place au collège? On est tous. Alors, moi, je suis. Sportif, moi, il y avait la place que j'avais à la maison aussi. On n'est que deux, j'ai un frère qui a 7 ans de plus que moi. Et ma place, clairement, c'était j'attendais le JT qui était quand même la cérémonie chez moi tous les soirs. Quoi. J'attendais 20h02 et je me mettais devant la télé dans le salon au milieu et je dansais sur Mylène Farmer. Oui, d'accord, donc il y a une place. Ah oui, donc c'est vraiment. Et ma mère qui disait arrête, Géraldine. Mon père qui disait laisse-la et mon frère qui me regardait et qui soupirait. Et ça pendant 15 ans, jusqu'à mes 22 ans. Je suis liberté. Et François Mitterrand qui est élu. Et après la place à l'école, du coup, j'avais moins besoin d'en prendre. Donc j'étais pas forcément le leader. Ouais. Quoique j'aimais bien. J'étais là, rigolote quand même quoi. Du sacré caractère. Ouais, petit caractère et tout, mais j'étais entouré de meufs à caractère aussi. Oui, fort. C'est ça. Un peu bande de meufs ou plutôt. Ouais, plutôt bande de meufs où on savait pas trop si on était vraiment des meufs. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois ok, ok. Ouais. Moi, c'était ma place. J'aimais faire rire et on m'aimait pour ça. Mais j'en ai aussi eu pas mal parlé et tout, mais c'est vrai que c'était mon médium, on va dire. C'est ça. Et puis, petite tête de sandwich tunisien aussi. J'allais dire que t'étais duraliste aussi, à l'époque. T'avais quand même tout petit. Duraliste, t'avais des soucis, voilà, mal dans sa peau. Non, mais très bonne gueule. Gueule de mec qui doit faire rire. Une teuté, en vrai, une teuté qui te laisse pas le choix. Voilà, exactement. C'est vrai, c'est important quand même. C'est le beau côté du physique, c'est que parfois il choisit à ta place. Exactement. Ah, ok, donc ça c'est mort pour moi. Humour et humour ou dépression. Oui, c'est ça. À choisir. Ou les deux. Mais moi, petit, c'est la pire période de ma life. Mais voilà, c'est la petit, pire période. Petit, quand tu dis petit, pardon, c'est avant collège. C'est 12, vraiment école primaire. Ah oui, non, collège. 11, 12. Ouais. 13, ouais, pareil. Et 14. Après, ça allait mieux. Ouais, 14, je le mets dedans parce que j'ai pas de recul. 15. Mais 15, ça va un peu mieux. Tout ce qui va vers les 18, c'est mieux. Ok. Mais 11. 12, 13, 14, quand même 4 années de noirceur, de trucs où effectivement l'humour c'est la seule chose qui te garde un peu en vie. Et, mais dites-vous un truc, c'est que, exactement, c'est que l'humour, la politesse du désespoir. À ces âges-là, l'humour c'est possible chez les garçons parce que alors, c'est peut-être bougé aujourd'hui dans la génération actuelle, mais c'était possible chez les garçons parce que c'était un atout. Chez les filles, être drôle ça veut forcément être, dire la copine de la belle. Ouais. Celle qu'on approche pour aller choper la belle. En tout cas, mon époque, drôle, c'était compliqué. C'est toujours compliqué. Je pense que. Et nous, on était toujours les meilleurs potes des meufs Pour les pécho. Ouais, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ah, mais lui, je l'adore, il me fait trop rire. Il aime moi aussi. Il a aussi des sentiments, d'ailleurs. D'ailleurs, celui de clown, il y a des sentiments. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Sous ce nez de clou. Savez-vous qui est Palmer Luckey? Bien sûr que non, mais je vais vous dire. Palmer Luckey. Ouais, Palmer Luckey, détective. Un détective. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Encore une affaire à Palmer Luckey. Non, c'est le fondateur d'Oculus. C'est le fondateur d'Oculus, vous savez, les trucs de VR. Ah oui, bien sûr. Les plus grandes entreprises de réalité virtuelle. Les casques de réalité virtuelle. Ah oui, d'accord. Peut-être filmé comme ça et tout. C'est le petit mime. Essentiel. Ouais, vraiment, j'ai tout compris d'un coup, en fait. Voilà, et tout. Après, il a dit. Et tout, ouais. C'est le et tout, moi, qui m'a tué. Tu mets comme ça. Je vais vous dire la vérité de ce qui s'est passé. J'ai voulu expliquer et je dis, merde. Géraldine a le soleil dans la gueule et du coup j'ai complètement oublié de finir ma phrase. Ça va, t'as pas trop non, le soleil? Ça me fait du bien. C'est très, bien. Très agréable. Sublime. Elle aime ça, elle marche à ça. Elle marche à ça. Un peu de soleil dans sa vie. Un peu de soleil dans sa vie. Un peu de soleil dans son cœur. Je sais pas, j'ai tenté. C'est ouais, ça que tu voulais? Une chanson. Bon, un ping-pong alors. Bim. Savez-vous qui est Palmer Luckey? C'est le fondateur d'Oculus, une des plus grosses entreprises de réalité virtuelle. Il a annoncé sur son blog avoir conçu un modèle très spécial, à votre avis, lequel? Pour les chiens. Pas pour les. Ah ouais. L'horreur. Je sais pas, non, Non, ils en avaient fait pour les vaches, ceci dit. Ah, quel intérêt, c'est les Oculus, bah si, mais c'est pour qu'elles soient déstressées. Du coup, elle voit pas passer les voitures, les trucs, et elle voit non, genre. C'est pas ça, c'est pour les vaches qui sont en élevage intensif, et ils leur mettent des. Le pré. Oui, mais c'est pas qu'elles voient pas passer les voitures, c'est qu'elles sont dans un truc fermé, et ils leur mettent des images de nature. C'est horrible. Ah, ça, c'est pire que tout. Alors, donc, ils les ont inventés pour quoi? Pour. Donc est-ce donc que pas c'est pour la race animale? Non, pas du tout. C'est pas du pour tout. D'accord. Pour les enfants? Non, c'est pour les adultes. C'est mais c'est un adultes. C'est un spécial porno. C'est particulier. Pas porno. C'est porno, médical. Porno, c'est sorti immédiatement avec l'Oculus. Oui, oui, mais là, ça se trouve, c'est un modèle exprès plus pour, plus. Je sais pas. C'est pas médical, c'est pas un truc de la santé lié à la santé. Pas médical, pas santé. Ça reste dans le divertissement. Voilà. Là, je suis mifié. J'ai l'impression de participer quand je fais ça. Ouais, mais je vois ce qu'il veut dire. Mais c'est aussi, ça raconte un peu ton ennui aussi. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Attention, là, il a levé le doigt. Là, le mec a été levé. Alors là, surtout pas. Pas du tout. Non, non, non. Alors, attends, vas-y. Alors, vas-y. Non, c'est pas de la santé. C'est pas. Ouais, bon. Il a fait non, je m'ennuie pas. Ouais, bon. Je retire un peu. Il a regardé l'heure. J'atténue un peu. Je mets un peu d'eau dans mon vin. Il a regardé l'heure. Je m'ennuie pas. Il a regardé l'heure. Ah. Oui. Ah, je vais juste lever mon verre deux secondes. Merci. Parce que on est quand même au Floodcast. Merci de nous inviter, merci les beaucoup, amis, ouais. Et on en apprend de belles. Voilà. Ah, merci beaucoup. Un bel merci, hommage. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai. Merci. Il y en aura peut-être 2-3 comme ça au cours du truc de podcast. Des petits hommages comme ça, alors n'hésite pas. Si c'est autant à cœur ouvert, alors là, lâche-toi. Franchement, c'est. Moi, on m'a jamais autant aimé de ma vie. Donc, je sais pas que je vais pas pleurer à avoir une petite larme en moment, mais voilà, faut pas que ça t'arrête. Voilà, mais je suis à la limite. C'est juste, faut témoigner. Hein. Surtout que tu l'as fait avec un câble d'adaptateur USB. Même pas avec un cuillère. Ouais, mais les gens ne savent pas. Mais je l'ai mis dans le contexte. Non, c'est. Alors, dites-vous que. C'est pas vraiment divertissement. C'est un casque qu'on ne pourra utiliser qu'une fois. Oula. Ah, je le connais, je. Ouais, ah, il l'a vu passer. Ah, quoi, la mort la fin, sur. À la fin, quoi. Ah, vous êtes pas loin, je donne un peu de précision. Ah, on l'accorde, on peut quoi, l'accorder. Lit de mort, quoi. En gros, c'est si tu meurs dans le jeu, tu meurs. Le casque te tue. Qu'est-ce que tu racontes? Palmer Luckey a créé un casque de réalité virtuelle où la mort n'est-elle pas virtuelle. Qu'est-ce que tu racontes? Concrètement, si le joueur qui joue un jeu vidéo avec le casque meurt dans le jeu, il meurt dans la vraie vie. Dans le casque, il y a 3 explosifs, devant et 2 sur les côtés. Palmer Luckey explique sur son blog, quand vous voyez écrit Game Over, les charges explosent, détruisant instantanément le cerveau de l'utilisateur. Ce cas s'inspire du jeu Sword Art Online, un roman adapté en série qui raconte l'histoire d'un jeu vidéo. Bon, c'est Squid Game. C'est Squid Game. Oh, c'est Squid Game. Il est malade. L'idée de lier votre vie réelle à votre. Bah vous rigolez, mais moi je trouve ça atroce. Mais dans quel monde? Non, mais je pense que c'est un truc artistique. Oui, oui, oui. C'est artistique de chiasse, ouais. Ça veut dire quoi, artistique? Bah alors justement, c'est ça. Il n'arrivera jamais. Sur notre mortalité, sur la façon. L'idée de lier votre vie réelle. L'idée de lier votre vie réelle à votre avatar virtuel m'a toujours fasciné, explique-t-il. Vous augmentez instantanément les enjeux au maximum et forcez les gens à repenser fondamentalement la façon dont ils interagissent avec ce monde virtuel et le monde réel. Ce casque n'a pas vocation d'être commercialisé, pas du tout. Mais il existe. Son créateur le voit comme une œuvre d'art, mais il conclut en disant que c'est le premier objet de réalité virtuelle qui peut tuer son usager et sûrement pas le dernier. 3 petits points. Oh. Ça mérite un jingle, ça. Oh. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, on s'en met plein le corps. Et... Ah ouais, ce sera pas le jingle d'une autre émission. Ouais, vous avez recyclé par là. n'est pas raccord du tout. Le compositeur, tu sais. Attends, c'est le truc d'une autre émission que tu nous as refourgué là. Pas du tout. Ça ressemble beaucoup au jingle de On s'en mêle plein le cornet, l'émission qui existait la dernière. Surtout, enfin, c'est vraiment pas le mood du truc. Ça a démarré dans le mood. Allez, toujours la fiesta qui revient. Les trois jingles commencent par un. Et après il y a une variation, mais le point de départ c'est toujours un. Comme si, mais peut-être je me trompe, le vous permettait de gagner un peu de temps pour deviner. Oui, ce exactement, c'est ça. Oui, c'est ça qu'il cherche. À vous. Alors pour nos amis les bêtes, nos amis les canins, voilà. Les canins qui n'ont pas fini de nous faire rire d'ailleurs. Quel point commun, chers amis, ont la chauve-souris, le papillon et orang-outan? Alors, le duvet. J'allais dire, ouais, un truc avec les poils. Le duvet, non, les poils, non? Jonathan, des bruits gutturaux. Gutturo-brachetti. Il a juste fait. Quel point commun? Et il a décroché, Jonathan. Il a lâché la rampe. Il a complètement décroché. Johnny lâche la rampe, c'est ton one match. Johnny lâche la rampe. 5 minutes de stand-up pur avant de lâcher la rampe. Là, je lui dis, bah dis donc, t'as qu'à acheter les mêmes. Oh, allez. Et là, il m'a dit que du lâchage de rampe. Pendant 25 minutes. Mes pieds. Mon pied, bon oeil. Mon bon oeil. Oh, elle est bien. C'est une très bonne émission. Ouais. Elle est inaudible. Ah, elle est inaudible. C'est les meilleurs. Donc, oui, le point commun entre une chauve-souris et papillon et un orang-outan, c'est pas une blague. Hein, c'est un vrai truc. C'est un rapport avec la façon de se reproduire. Pas vraiment, mais c'est sexuel. Ah, merci. Coquin, le floodcast. Ils peuvent. Non. Attends. C'est chauve-souris, papillon. Non. Je sais. Calme-toi. Je sais. Oh là. Et c'est peut-être le seul truc de culture auquel je Il le sait, Serge Lintello ou quoi? Bon, alors, Serge, tu connais la réponse ou pas? Oui. Oh, c'est Serge Lintello. Ils ont besoin de faire du sexe tout le temps, sinon ils meurent. Alors ce n'est pas la bonne réponse. Oh, je suis désolé. Tu confonds avec moi, je crois. C'est vrai qu'on l'appelle le petit papillon. Mais par contre, le bon mix. Non, les papillons ont besoin d'énormément faire l'amour. Attends, vérifie. Ça s'est rattrapé aux branches. Il y a un truc avec la mue. C'est pas avec la mue. Non. C'est pas la mue. C'est le sexe. Oui, c'est le sexe. Bah alors. Ouais, on sort tous du même endroit, me fais pas chier. Attends, on est où là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, c'est pas ça. Comment il prend son pied? Ils ont invité Gérard de Pardieu. Non, c'est sur une pratique sexuelle. Ah, il se masturbe. Alors, il ne se masturbe pas. Ça, je pense qu'il y en a, y a plus qu'eux. Ouais, je pense, ouais. Enfin, les ours, je sais que les ours, ils se masturbent. Bah, déjà, tous les singes se branlent. Ah oui? C'est une chanson de Georges Brassens, d'ailleurs. Tous les ours se branlent. Sur les branches. Tous les branches de la jungle. Je crois que c'était Rolio Iglesias, la suite de Toutes les femmes sont belles. Tous les singes se branlent. Il y a beaucoup de V1 dans cette émission. Ah ouais, C'était le premier titre de l'émission. Tu connais pas moi, ce qui me faisait mourir de rire, c'est les chutiers, tu sais, dans les studios. Des plus beaux chefs-d'œuvre. Ah oui. Ne me quitte pas, sale pute. Et le mec, à la fin, tu vois que la chanson est horrible. La chanson est top. Mais parce que je le pense. Il est belge. Déjà, Jacques. Non, mais je le pense. Vous avez défoncé le studio avec votre transpiration. Déjà, on va jamais avoir la moquette. On enlève le sale pute. On enlève le sale pute. Vous êtes sûr? La pire imitation. Je pense qu'il faut enlever le sale pute. Je suis Jacques Brel. Ah, mais là, les gens Spotify, là, ils achètent la chanson. Ah oui, les histoires de Jacques Brel racontées par Jonathan Cohen. Oh, le vieux Dudu. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien en fait. Un truc que t'aimes bien, c'est la double syllabe. Le dudu, le lulu, le cucu, le tete. Ciao. Et mourir et ciao. Les bruits de train. Ouais. Les dudu, le popo, le lulu. Salut les cocos. C'est très bien. Oh la vache. Attends, oh, par la contre, vache. J'aurais bien aimé, parce que là on a un exemple avec Jacques Brel, mais tout le monde ne connaît pas Jacques Brel. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple? Ça va, attends, pas les prendre pour les autres. Attends, un exemple avec un autre chanteur, une autre chanson, avec un chutier, s'il te plaît, fais un effort. Le chutier, le sans chanson. Réfléchir, parce que c'est quand attends, tu réfléchis pas que c'est bien. Voilà, Aznavour, c'est super. Un bébé qui pleure pour l'instant. Allez, Charles. Il y a encore le bébé qui pleure. T'es moi, Gigi. Pardon. Pardon, tu as Aznavour. Michel. Ouais, c'est bien. Yeah, 18 ans. C'est une bonne imitation. Ah, c'est super. Ah, c'est bien, mais oui. Ça ne nous dit pas le point commun entre la chauve-souris et les pigeons et les orang-outans. La sodomie? Pas la sodomie. Et non. Je sais pas. La fellation? Alors. Ah. Pas vraiment, mais quoi, c'est un peu. Le cunnilingus? C'est plus largement le sexe oral. Ce sont des animaux qui pratiquent. Tel l'humain. Les orang-outans. Le... Oh, le papillon. Oh, y a un mime. Vous loupez un mime. Vous loupez un mime de haute voltige. Waouh, Jonathan, tu dégoûtes. Est-ce que. Alors, le papillon qui essaye de. Alors, je vais essayer de. Vas-y, alors, il fait un papillon, c'est-à-dire qu'avec ses mains, il fait battre les ailes. Et tout d'un coup, avec sa main, qu'est-ce qu'il ferait? Il ferait une fellation. Une fellation de papillon. Ah, mais. C'est abject. Il aime pas trop le papillon. Ah oui, il aime pas. Oh là là, l'enfer, c'est un enfer. Quelle chance vous avez de ne pas voir ça. Oh maman, et c'est très long. C'est une fellation impossible. C'est une fellation, c'est un mon chéri. C'est un mon chéri. Ouais. Bah, il a rencontré un papillon qui revient du Hellfest. Ah ouais, le goût est catastrophique. Oh non. Au début, il est comme ça. Oh non. Enfin, ça y est, stop. Oh non, j'en peux plus. C'est très peu radiophonique. Oh si, les gens l'ont imaginé. J'ai filmé, je me suis permis. Donc la chauve-souris. C'est sur les réseaux, ça, mon pote. Cette découverte a d'ailleurs été. Pour annoncer l'épisode, on postera ça. Sur la chauve-souris, la découverte a été récompensée par le prix Nobel de biologie en 2010. Pour ça? Pour la chauve-souris. C'était une année assez. Ah ouais, triste. Tranquille, je crois. Il y avait rien d'autre. Il y a pas un mec qui a eu le Covid après. Dès qu'il suce la bite, les chauves-souris, bah t'as le prix, mon pote. C'est la seule découverte qu'on a fait de l'année, donc. Non, sérieux, ouais. Tranquille, le Covid. C'est exceptionnel. C'est vrai que le prix Nobel de biologie de 2020, il doit se dire, ouais, enfin ça n'a aucune valeur. La dernière fois, vous l'avez filé. Ouais, c'est ça. On a trouvé le vaccin en 3 semaines. Mec, c'est exceptionnel. Il y a que la chauve-souris qui suce la bite. Oh bah, il y a plein d'autres trucs. Non mais il lèche la chatte aussi. Oui non mais, oui, non, mais ça va tirer la corde. Ouais non mais oui, bon, corde, on a compris. Ça reste dans la même ordre d'idée. On a pris Nobel. Allez. Okay. On lui file. Mais alors c'est pas gratos hein. Selon les chercheurs, cette pratique permettrait une meilleure lubrification du pénis et aurait des vertus bactéricides pour éviter les MST chez les chauves-souris. Tu vois, c'est un truc un peu hygiénique. Ça marche pas chez nous ça. Non ça marche pas chez nous. Bah on n'est pas aussi calé que les chauves-souris. Des chercheurs ont aussi découvert que chez les papillons. Les mâles utilisent leur palpe maxillaire, c'est-à-dire leur bouche, pour simuler les parties. Donc eux, c'est plutôt le cunnilingus, réalisé par le même mâle dans le but de séduire la femelle. Et chez les orang-outans, ça marche bien, je pense. Et chez les orang-outans, c'est par pur plaisir. Ça n'a pas de but autre que c'est sympa. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le client d'un restaurant a été attaqué en justice. Bon, de quoi? Des accents. Bon, comme nous. Il y a des accents ici et là. Ah, j'ai pas entendu. On a comme nous. Se régale pour la bonne bouche. Tu reviendras, Géraldine, rassure-moi. Ah, vraiment? Bah, ouais. Après-demain. Après-demain, je suis là. Oui, il faut une petite journée quand même. Oui, c'est ça, voilà, dépressurisation. Redescendre. Le client d'un restaurant a été attaqué en juin. Non, tous dans le micro. Non, mais parce que si je le fais pas, tout le monde s'en fout. Oh, ils tousse. Tu veux de l'eau? On peut te servir de l'eau. Ouais, regarde. On va servir de l'eau, je suis d'accord. Tiens, faut de l'eau. Oh là. Oh là. Oh là. Oh là, le bad buzz. Ah, c'est devenu très sérieux là. Oh là, le bad buzz. Voilà. Oh là. Ah, merci. Il a merci. Tout détendu. Un client de restaurant a été attaqué en justice par la direction, à votre avis, pourquoi? Alors, c'est-à-dire que le restaurant a attaqué le client. On a plus vu l'inverse. Je sais. Oh, alors, vas-y. Est-ce que ça a un rapport avec une grosse. Grosse star de la télé américaine? Non, pas du tout. Parce que tu pensais à quoi? James Corden qui s'est fait interdire le restaurant. J'ai vu passer pourquoi, ce truc là. Parce qu'il a été ignoble avec un des. Oh mon dieu. Ok. Il est mignon, c'est comme un animal. C'est comme un petit animal. C'est comme un animal. D'ailleurs, il devient débile. Un petit papillon. Tu vas parler. il s'est fait têche du resto et il a été interdit de ce resto. Et ça, c'est justifié pour le coup. Apparemment, il s'est mal comporté. Là, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas justifié. Alors, d'une certaine manière, mais attaquer en justice, c'est vrai que c'est un peu. Il a prouté. Il n'a pas prouté. Non, pas du tout. Pas du tout. Il s'est levé et il a dit c'est vraiment c'est immonde ce que vous m'avez servi. Il a donné son avis sur la nourriture. Sur Google, alors, peut-être, non sur, ouais. Oh là là, une passe D. Moi, ouais, je vois. Ouais, je suis d'accord. Merci. Ouais, non, on est ensemble, toi, on est ensemble. Ouais, vous êtes Griezmann et Mbappé. Bien sûr. Moi, je dis tel que je le pense, c'est les deux seuls joueurs que je connais. Donc, putain, et d'ailleurs, sachez que quand on est diffusé, on ne sait pas qui de la France. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils ont gagné? Donc, on fait les deux et on applaudit les Français. Bravo! Normal, j'en étais sûr. C'était évident. L'homme du match. C'était l'homme du match, je suis d'accord. Et d'ailleurs, on pense à ce qui s'est passé. Malheureusement, la France n'a pas gagné, mais quand même, du match, on peut les applaudir. Bravo, Grisou. Et puis bon, Messi. Messi, bien joué, ça fait plaisir pour lui. Normal en même temps. C'est un peu Paris. La victoire de Messi, c'est génial, c'est ça fait plaisir. Donc oui, si vous avez raison, c'est une diffamation dans les avis Google. Le 13 novembre dernier, il fête en famille un anniversaire au restaurant Le Jardin des Sens, table étoilée des frères Pourcel. Bon, ça je connais pas tout ça, mais c'est à Montpellier. Tout est parfait jusqu'au dessert. À ce moment-là, il soutient que son épouse a trouvé un chewing-gum dans son crumble. Un chewing-gum dans son crumble. Ce dernier rétorque qu'il est impossible avec le matériel utilisé car chewing-gum se retrouve dans un crumble. Le client rate quand même la note la de... La pire justification. Non, avec le matériel qu'on a, c'est impossible qu'il y ait un chewing-gum. Ouais, il y a un détecteur de chewing-gum, genre n'importe quoi. Non, mais je pense que, cela dit, c'est un restaurant très chic, donc je pense qu'effectivement, les cuisiniers, normalement, enfin, tu vois, ils font gaffe. Il y en a un qui avait caché le chewing-gum, il est comme ça. Non, mais de dire matériel utilisé, n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Parce que là, la note est quand même de 2 500 €. Et du coup, le client est agacé et critique sur Google, il met un avis négatif, mais il n'en met pas qu'un. Il appelle ça le jardin des sens, plutôt le jardin des cauchemars. Donc là, il en a une petite. Il a une plume en plus. Ce serait pas Carlito ? Oui, c'est vrai, ça pourrait. C'est pas Evazor. Et en assimilant ces deux chefs à des rats au fond de leur cuisine. Donc en plus, pas très sympa. Oui. Ratatouille nous a appris que les rats peuvent être de très bons cuisiniers. Absolument. C'est vrai. Pardon. C'est vrai. Des commentaires qui lui valent d'être poursuivis pour diffamation par les deux chefs qui demandent réparation ou préjudice moral. Contactés, ils n'ont pas souhaité faire de commentaires sur cette affaire. Pour Maître Galix, avocat de la défense, la présence de chewing-gum n'est pas discutée. Il est là en photo, oui, mais il faut savoir d'où il vient, a rétorqué la présidente. Voilà, comment ça? Bah, genre, il y a un chewing-gum, d'accord, peut-être, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est pas toi qui as mis le chewing-gum, client? Mais là, on est dans la théorie du complot. Bah, mais oui, mais 2 500 € la note, tu sais, il y a des gens. Moi, les gars, peuvent... je vais vous dire un vrai truc. Allez. Moi, j'ai pas trouvé un chewing-gum, mais carrément une serviette entière dans ma salade. Avec un petit, avec un client. Serviette en papier ou en toile? En papier ou en tissu? En papier. Ah, en papier. Oui, en toile, moi aussi je croyais en tissu. Je disais, oui, oui. Comment ça rend? Ouais. Je vais crever en live, mais ce sera de rire. Et en vrai, j'avais trouvé, mais vraiment, je bouffe la salade César qui est vraiment bonne. Je suis en train de faire des compliments sur le poulet. Qui est quand même pour moi une des priorités de la salade César. Très souvent, on a un poulet qui est trop cuit, qui est trop sec. C'est long. Bon, bah, c'est long. Ils en prennent une petite à la restaurateur. Non, mais si vous êtes restaurateur et que vous servez une salade César à Jonathan Cohen, prenez voilà, des notes. Sachez prenez que. Attention, je dis rien, mais j'en pense pas moi. Et donc, et là, mec, vraiment, sous une feuille de salade, j'ai vraiment. Je mets comme ça, et là, vraiment. Je sens du tissu dans ma bouche et là je tire le Arrête. Truc, une serviette comme ça. Regardez ce que j'ai dans ma bouche, elle était nouée les unes aux autres de couleurs. Multiples couleurs. Et en vrai, j'ai eu l'explication en cuisine. Les feuilles de salade sont, tu sais, pour les sécher. Ah. Ils mettent du sopalin. Ah oui, exact. Ils mettent pour du un bibelot. Et il y en a un qui a fait toi, ça va? Et là, il a oublié la coupe. Et je me suis retrouvé avec donc cette feuille dans ma bouche. Et je l'ai sorti comme un foulard. Et c'était genre, c'est la première fois que ça m'arrivait. Voilà, donc des histoires comme ça. C'est incroyable. Ça peut arriver. Mais de là à faire une. Oui, un avis Google, quelqu'un angoisse. Est-ce que vous aimez sortir au resto? Toi d'abord. C'est quoi le meilleur resto où t'es allé? Le meilleur resto, alors moi, faire des jolis trucs. J'ai fait des jolis trucs, mais les meilleurs restos, c'est quand on est bien accompagné. Mais elle a raison. Eh ben non, pas recevable. C'était pas la question. Non, mais c'est vrai que les chefs, c'est pas pour rien qu'ils ce sont des chefs. Donc j'ai eu la chance de pouvoir manger dans des restaurants tenus par des chefs. Et je m'en souviens. Alors parfois, je m'en souviens pas pour la bonne raison. C'était très très bon, mais c'était très très long. Et du coup, à un moment donné, moi, j'aime pas assez ça. C'est terrible. Enfin, quand ça dure plus de 4h15, tu vois, à un moment donné, non, c'est pas possible, c'est un voyage. Ah, moi, je préfère moins bien manger, mais être servi vite. Voilà, moi c'est aussi. Pour ça que j'adore le McDo. mais c'est vrai que le temps d'attente pour servir, c'est fou. Alors c'était pas tant le temps d'attente, c'était qu'en fait, il y avait 620 plats. Et qu'à un moment donné, ça y est, stop. Tu disais, mon frère. Non, mais ça, c'est les trucs, les menus dégustation. Ouais, ça y est. que t'es en train de manger à l'instant là. Ouais. Et on est au moment où les chutes elles sont. C'est un problème. Non, ouais, ça se non, je pose des trucs. Après vous démerdez. Après vous faites votre tambouille. C'est Rick Rubin. C'est Rick Rubin des discussions. Les menus dégustent. Mais non, mais le resto c'est un vrai truc, non? On adore aller au resto. Alors moi, on adore, on se bat pour l'addition. Non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi. Il y a Robin qui est derrière qui fait. Oh, c'est un sketch. Voilà. Moi, j'y vais pas assez, par exemple. J'y vais plus assez au resto. Ouais. Moi, j'ai des très bons souvenirs. Bah, quand on écrivait La Flamme, de moi, tous les midis, aller au même resto. Et c'est vrai que du coup, ce resto, il a une place dans mon cœur. Ah, ouais, il y a un espèce de truc. Mais moi, j'ai fait un resto, genre un peu classe, très cher, machin et tout. Mais j'ai pas kiffé de ouf parce qu'effectivement, le fait de pas choisir, parce qu'il y a pas de menu en fait. Ils te disent, bah non, on va te donner à manger. Alors tout est très bon parce qu'effectivement. Oui, puis c'est un peu une expérience quand même. Mais c'est vrai que bon, c'est pas. Tu sais, j'étais là genre bah c'est vachement bon, mais est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que si tu vois je préfère une carte où on te propose des trucs? Après quand c'est bien fait gars, parce que moi j'ai un pote qui est chef étoilé, qui est Iñaki du Châteaubriand. Ah ouais, c'est vrai? Bah ouais. Ouais, ça c'est exceptionnel. Moi ça, j'ai connu toute sa ascension à Iñaki, c'est-à-dire que de l'ouverture du restaurant jusqu'à son étoile. Ah, ouais. Merveilleux. Et tu vois en fait le level et ce qu'il propose en termes de voyage d'un plat à un autre, quand c'est réussi, parce qu'en fait c'est des mecs qui se remettent en jeu toutes les semaines, ils changent la carte, donc en vrai tu changes la carte toutes les semaines, tu prends le risque que ce soit hyper, super, moins bien truc, et tu peux pas t'attacher à des plats en particulier, mais quand ils arrivent à faire un voyage complet, c'est vrai, une patate dans les dents. Ouais. Toi Adrien, parce que c'est un régime alimentaire particulier, t'es vegan, vegan. Ouais. Et est-ce que c'est quoi le meilleur resto que tu t'es fait? Est-ce que t'arrives à trouver des trucs Oui, mais moi le resto qui m'a le plus marqué, mais c'est pas tant pour la carte que pour le cadre, parce qu'en plus j'étais un peu tombé dessus par hasard parce que je roulais, je fais pas mal de route. Et c'est un resto à Albi qui s'appelle le Robinson. Et même si vous êtes pas végétarien, ça vaut le coup parce que je m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Et en fait, il y a un décor genre jardin exotique, mais au milieu de nulle part à Albi. Bizarre quoi. Incroyable. Vous chercherez sur Google, il y a des photos et tout. Où t'as des immenses palmiers, t'as un truc, t'as une terrasse avec des toits en paille. Et tu manges quoi? C'est un buffet végétarien, donc tu te sers ce que tu veux et tout. Mais c'est bon, c'est assez. C'est pas vraiment le menu qui m'a. Enfin, c'est bon, le cadre tu vois, en fait, le cadre. Mais le cadre est fou quoi. T'as je sais plus quel fleuve qui passe à côté. Donc tu vas en été, c'est incroyable et vraiment je m'attendais pas à ça. Moi le cadre, c'est ce qui me saoule dans les restos c'est parisiens. C'est ce que j'allais dire, les restos étoilés parisiens, c'est la nappe blanche et tout, c'est compliqué. Bah là c'est à la bonne franquette hein. Ouais. Là, c'est en bois et tout. C'est le nom du resto d'ailleurs, à la bonne franquette avec Dédé. Non mais même non, dans après, les restos. Ce qui est génial, excuse-moi, je te dis, ce qui est génial dans les restos de chef, parfois c'est de les voir bosser quand t'es au bar et que tu les vois bosser en cuisine et là tout d'un coup ça fait sens. Un peu comme au Subway. Le fameux Subway. Absolument. Non mais là quand tu entends les huit chefs, quand tu vois la quand tu vois la beauté de l'assiette et tout, voilà, même si tu manges pas ce qui va t'être servi, c'est très beau à voir. Mais ça, t'as vu la série The Bear, t'as vu ou pas? Ouais, j'ai vu moi. Bah, regarde, parce que ça, ça me rend dingue en cuisine et tout. Et ça c'est vachement. Elle est bien cette série. C'est vachement bien. C'est très très cool. Ouais, super. Il y a juste un personnage qui m'énerve. Ah bah non, mais dis pas, Chut. Allez, l'encolure, il a serré son poing. Je dis pas alors. C'est sur Disney+. Sur Disney+, tu peux choper ça. Très bien, merci. Le temple bouddhiste, un temple bouddhiste, pardon, en Thaïlande, il y en a pas qu'à. Fermé ses, ne pas généraliser sur les temples bouddhistes. A fermé ses portes en Thaïlande, à votre avis, pour quelle raison? Des singes. Non, pas de singes. Pas d'attaque de singes. Parce que temple, ils ont fermé pourquoi? Covid. Bah, ils ont servi des burgers, ou ils ont fait non, un truc dingo non. qui est pas du tout dans le. Non. Oui, qui est pas dans la. Ouais. Alors, ceci dit. C'est un peu une bonne réponse. Ils ont fait un truc qui est pas censé arriver dans un temple bouddhiste. Ah, voilà, ils mais ken. C'est pas les burgers. Ils ont pas ken. Ils ont pas un spectacle comique, un stand-up. Un plateau. Une boîte de nuit, Il y a des coups dans la salle, non? Oh mince. J'avais David Guetta qui était là. David Guetta était absent. Un hommage. Non, pas David Guetta. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une soirée? Ils ont fêté Noël? Ils n'ont pas fêté Noël. Il n'y a plus rien en rapport avec Noël. J'ai vraiment fait trois questions au début. Ah oui, vraiment, c'était un prétexte fou. Un banquet, un truc privatisé. Ils ont mangé de la viande. Plus vénère que tout ça. Ils ont tué quelqu'un. Ils ont tué. Alors moins vénère que. Ils se sont battus. Il y a eu une organisation du UFC, un truc comme ça. Un truc. Le Free Fight. Underground, ouais. Pas du tout. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait des stories Insta, ils n'ont pas le droit d'avoir des téléphones. Ah, avec des filtres un peu rigolos. Ah, je sais pas. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que c'est sexuel? Ce n'est pas sexuel. Parce que c'est un rapport avec la fiesta. T'as plus rien. Non, ils n'ont pas fait la fiesta. Mais tu peux faire ce qu'ils ont fait pendant une fête. Ça a un rapport avec Internet? Ah, ils ont bu. Un karaoké. Pas bu, mais on s'approche. Pas bu, mais on s'approche. Ils ont fumé de la weed à ça. Alors. On n'est pas loin. De l'opium. Non, ça s'approche. Du chicha. De la coke. Je vous demande le la marque de la drogue. La marque de la drogue, je vais vous la donner. Oui. De la cocaïne. De la méthamphétamine. Waouh, wow, wow, wow. Ah ouais, je m'attendais pas à celle-là. Ils sont allés directement vers le travail de Dieu au Graal. Tout de suite. Ils ont été tous. Ils ont dit, bon, de toute façon, on va se faire fermer. Mais quoi, ils ont fabriqué là-bas ou ils en ont consommé? L'histoire ne le dit pas. Non, ils ont consommé. Ils ont consommé, ils ont été testés positifs. Trois moines et un abbé. Qui n'est pas une blague non plus que j'allais vous faire. C'est trois moines et un abbé en Thaïlande. Ils ont pris de la méthamphétamine. Et dans le cadre d'une répression contre la drogue, la police a rejoint les autorités sanitaires et a perquisitionné le temple où séjournaient les moines et l'abbé. Et tous les quatre ont été testés positifs. Incroyable. En prison, tout simplement. J'ai un petit jeu à vous proposer. Alors c'est surtout un jeu pour Adrien. Mais on va y aller. Mais non, mais. Mais qui vous concerne. Je vais faire des blagues, hein. Je vais faire des trucs. Mais qui vous concerne. Mais qui vous concerne, puisqu'en gros, je vais dire des anecdotes que j'ai trouvées au détour d'interviews sur ici l'un ou sur l'autre, si et là lors de mes recherches. Il va dire si c'est. Adrien doit deviner si c'est Géraldine ou Jonathan. Bien sûr, à la manière d'un loup-garou, Géraldine et Jonathan devront s'en défendre et expliquer que quelle raison ce serait. Tu as une pression là. Tu as une pression de malade. Parce que ça, c'est un petit almanach, hein, il sait tout. C'est vrai. Il a bossé avant, je le sais. C'est vrai. Le premier, c'est j'ai joué dans un clip de Zazie. Est-ce que c'est à ton avis Jonathan Cohen? Ou Géraldine Nakache. Oui, elle le conçoit. En plus, faire des j'ai quand même deux, un excellent acteur, une excellente actrice devant moi. Donc, là, c'est, non, mais le truc, c'est que t'as eu une réaction. Là, je me suis dit, ah bah clairement, c'est Jonathan. Mais ça peut être du jeu, c'est du ça. Fake, putain oui. De merde. T'énerve pas. Un clip de Zazie, est-ce que. Oh là là. Parce que clip de Zazie, on peut dire un je clip. Je sais que t'as eu une présence scénique sur une chanson, Jonathan. Sur quelle chanson? Ah, c'est Géraldine. Oui, Fucking Fred. Ah oui, Fucking Fred, il parlait de Fucking Fred. Note. Tu parlais de Fucking Fred, toi, Adrien. C'est Zazie, pas Jay-Z. Hein. Ah, d'accord. Non. C'est Zazie. Ah ouais. Alors, mon petit dodo. Est-ce que je pose des questions ou alors pose je des questions. Il a l'air, c'est un loup-garou. Hein, il peut aller à qui je pose des questions. Bah, si tu veux. Si tu veux. T'as joué dans. Zazie. Mais qu'est-ce que je peux poser comme question en fait. C'est ça. Bah oui, je peux pas vraiment poser de questions. Allez, faut savoir. Non, je vais dire. Tu peux poser des questions à moi aussi. Je suis obligé de te dire la vérité. Pour la première. Je veux dire c'est Jonathan. Allez, je dis c'est Jonathan. Malheureusement, c'est une mais mauvaise non, réponse. Je savais. C'est Géraldine. T'as vu moi, je regarde les regards un peu genre ouais, non, c'est moi, c'est pas moi, mais ah, bon, t'étais fort, t'étais bien. Toi surtout tout ça. Mais t'es l'homme de l'année en fait. Oh, non, mais c'est vrai. Alors selon GQ, selon ce petit magazine masculin, il a plein de bras. C'est une pieuvre ce mec. Tout simplement. Bah, exact, c'est la couverture. Elle est jolie la couve. T'es très beau dessus. Très jolie. Bah, merci. Très jolie. Tout le monde ne le dit pas. On ne le dit pas. On dit que je suis rigolo. Mais on a fait que je suis beau. Jamais que je suis beau. Je fais des beaux efforts pour tout le monde. Alors. Donc oui, dans un film de Zazie. Absolument. Alors comment ça s'est fait cette ça histoire? Ça s'est fait entre deux jobs, entre Canal+ et Comédie, justement, entre le casting et de Canal+ et le casting de Comédie. T'es un peu en galère. Et j'ai un ami réalisateur qui m'a dit, Zazie a une chanson qui s'appelle J'étais là, que j'adorais J'étais en plus. Là. Et elle m'a dit, il m'a dit, viens, on a besoin de plusieurs acteurs et c'était une mauvaise idée. Ah. Bah, t'as pourquoi, un petit look. Pourquoi tu t'as un petit look parce que vraiment de... je ressemble fais à mon frère un avec une perruque. Ah non, d'accord. Je peux te la trouver. Il y a un petit look de. Tu sais, quand tu sors à Châtelet, ils disent salut, tu veux aider une association. Il y a un peu complètement. Une espèce d'écharpe en laine. C'est quoi déjà, Mélodie, j'étais là. J'étais là quand. Waouh. Alors, cette chanson est très belle chanson. Waouh, la teuté. Regardez. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Personne ne m'en a jamais parlé. Ah, je suis désolé. Tout est sur le. Mais qui fait semblant de lui parler en plus. Oui, je la playback, Tu la playback comme si je discutais avec elle en fait. On fait les paroles de la chanson. Non, parce qu'on n'a pas le droit de mettre les musiques. Oh, non. C'est putain de droit. C'est droit de. C'est woke ça. Ça, c'est les woke. Mais le tepote pantonner. Quel enfer. Quoi? C'était qui ça? Michel Jonas. Vraiment, c'était Jonas? Michel Jonis. Ouais, Michel Jonis. Je vais pas bien. Attention, on est prêt, on reprend. J'ai appris à faire du vélo à 40 ans. Bon. L'autre qui tousse. Jonathan. Jonathan. Non, c'est encore la Duduche. C'est la Duduche. J'ai appris. Ouais. Quoi ouais. En fait, je pensais que t'avais pas 40 ans. Et du coup, j'en ai 42 même. Oh. Ah bah, on a le même âge. C'est très beau ce que tu fais. C'est très très beau. Merci. Je suis contente d'être venue rien que pour ça. Je pensais que t'avais pas 40 ans. C'est magnifique. Alors, j'ai 42 ans et effectivement, mon père qui s'angoissait de tout n'a jamais vraiment souhaité me mettre sur un vélo. Donc, quand on m'offrait un vélo, on disait mais non, mais donne-le plutôt à ta cousine. Mais t'es Phoebe. Je suis un peu Phoebe, ouais. Et du coup, un jour sur un tournage, ce qui devait arriver arriva. Et l'accessoiriste m'a pris à part et m'a dit viens, on va le dire à personne. Et viens, on va faire des tours et on va. Voilà. Génial. J'ai flippé ma race. Ah ouais. Mais oui, parce qu'en plus évidemment c'était un film où le vélo c'était pas un vélo fastoche et tout. Ouais. J'ai eu super peur en vrai. Oh, ah c'est fou. C'est ouais. Biopic de Lance Armstrong quand même, donc c'était un peu. C'est ça. C'est ça. Attention. Il y a que des trucs sur moi là, parce que sinon, non, il y a un peu de tout. Mais non, mais mon ami de suite pour me piéger. Il est malin, il sait très bien que maintenant. Elle a ici. Elle a des tanas en plus. Hein, y a pas de trucs sympas. Sur moi. Non, y a des trucs sympas. Elle connaît Brad Pitt, des trucs comme ça. Alors, le prochain. Il ou elle connaît Brad Pitt. Jonathan l'a doublé, donc je dirais. Ah putain, alors dis-toi, ça n'en est qu'un autre. Dis-toi ce que tu viens de dire. Bah ça, je le savais. Ah bah je savais pas que tu le savais. Pour le coup, tu l'as dit. Pour le coup, j'ai rencontré Brad Pitt. Parler de Jonathan. Alors, attends. Dans l'ordre. Tu as rencontré Brad Pitt, Géraldine. Pourquoi ? Parce que j'ai fait la voix d'un DreamWorks qui s'appelle Megamind. Bien sûr. J'ai fait la voix de Tina Fey. Tina Fey, pour l'avant-première et pour la presse junket, donc la conférence de presse, les Ricains sont venus sauf Tina Fey. Donc j'ai fait la conférence de presse, Cadmerad. Moi, avec à ma droite, Will Ferrell, c'est pas une blague, et Brad Pitt. C'était fou. Incroyable. Et il y a une photo que mon père a imprimée en énorme, qui est donc à la maison chez mes parents à Puteau. Avec écrit dessus le nom de le copyright dessus en énorme sur la photo. C'est une photo de moi où je descends là, je suis à l'UGC Normandie. Il y a une scène assez haute et il y a des marches. Et du coup, qui m'a tenu la main pour pas que je me gaufre? Brad Pitt. Et il y a la photo de Brad Pitt qui me tient la main. Alors j'ai pas celle-là, j'ai celle-ci. T'as une la photo la plus dégueulasse. J'étais. Tu racontes très bien. Il y a une photo que je vous montrerai. Qui est sur mon Instagram d'ailleurs. Oh, sublime. Où Brad Pitt me tient la main et il me tient la main pour m'aider. Et en plus, il regarde l'objectif, genre, hey, qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de choper la photo? Genre vraiment une paparazza, ah, tu ouais. vois. Oh, et mon père a imprimé cette photo. Mais j'aurais fait de la même chose. J'aurais fait de même. Et moi, j'ai mangé dans le même restaurant où mangeait Brad Pitt. Et c'est un vrai truc. T'es sûr que c'est une anecdote moins bien déjà? Non, non, mec. J'avais rendez-vous dans un resto avec une copine que j'avais pas vue depuis très longtemps. Cette histoire. Ah! Et elle fait putain comment tu vas et toi putain ça fait plaisir yana, pas et d'accent. Je me retourne et elle fait et on je demande au serveur il y a pas une table truc ouais, ben ça c'est dans 5 minutes ça, je me il fait ben dans 5 minutes normalement il devrait avoir une table et là je me retourne comme ça pour voir le truc et là je vois Brad Pitt et là je sais ce que c'est de c'était pas hystérique je fais ok il y a Brad Pitt oui, et là oui. À partir de là plus rien n'avait d'importance à part Brad Pitt. C'est bien fou, sûr. Et tout le monde, tu t'aperçois que tout le monde dans le restaurant était en figu parce que tout le monde avait arrêté de vivre parce qu'il y a Brad Pitt. Tout le monde disait comme ça. Ouais. Alors, personne faisait semblant de manger. Ouais, ils font semblant de parler. Mais oui, ils font semblant de parler de manger de oui, tout. Oui, bien sûr. Et en vrai, on a passé une heure dans ce restaurant à être paralysé par la présence de Brad Pitt. Putain, mais alors c'est drôle, j'ai une anecdote de restaurant un peu comme ça, et c'est marrant parce que c'est un peu lié à vous deux. Il y a quelques mois, je pense, je vais dans un resto où il y a Leïla Bekhti dans le même restaurant. Et à ce moment-là, Leïla Bekhti, on s'est déjà croisé puisque c'est après La Flamme, et on se suit sur Insta, on s'est déjà un peu parlé sur Insta, mais on se connaît pas. Enfin, tu vois, c'est vraiment des trucs où on s'est croisé. Et elle mange, je me souviens très bien, c'était au QG de Saint-Michel, parce que c'est un endroit où j'aime beaucoup aller, et elle est vraiment à la table à côté de moi, et j'ai passé le repas à lui jeter des regards de. On en même temps, si elle me voit et que je lui ai pas dit bonjour. Elle t'a pas reconnu? Bah non, pas du tout, mais c'est normal. Oh mais moi, du coup, je l'ai regardé vraiment. Si, mais c'est possible, elle ça arrive. Mais surtout, on s'est croisé. Non, non, mais on s'est croisé deux fois. Il a perdu énormément de poids. J'ai fondu. Non, après, c'est un yo-yo. Il a grossi. C'est vrai qu'il est pas dit. Il est difficile à reconnaître. Au-dessus de moi, il y a quoi? Il y a la main d'un gosse. Je suis un yo-yo. Non, là, tu t'es pas yo-yo. Ah, je tiens depuis le mois dernier. Là, tu tiens vraiment. Moi, pour le coup, pardon, faut rendre à César. Non, je sais pas, pour moi, t'es ce mec-là. T'es bah ce non, mec, non, fin, j'ai perdu un petit peu. J'ai perdu un petit peu. Ouais, non, mais pour revenir à la victime, c'est surtout par rapport à elle, la pauvre, parce que vraiment, elle a dû juste se dire il y a un qui gars chelou qui me quitte le foyer, qui me regarde. Il a des petits regards, il a des espèces de petits regards. Parce que je me dis, si elle me voit, faut que je dise bonjour, sinon c'est moi qui suis mal poli. Ouais, comme ça. Tout un espèce de truc dans ma tête, un purgatoire pas reconnu du tout. Pourquoi t'as pas été la voir? Bah oui, mais juste dire. C'est gênant. Parce que là, je me serais dit si elle m'aurait fait. Et surtout, qu'est-ce qui se passe après? Ah oui. Bah non, non bah, mais ah tu oui, plaisantes, elle a enfin. Fait. Ouais, mais comment tu vas? Bah excuse-moi, oui. j'avais pas reconnu. C'est surtout Leïla. C'est la voix de Leïla Bekhti. C'est la voix de Leïla. Mais oui, mais je t'ai pas reconnu, mais sur ma vie, on attend. Attends, c'était Vincent McKay. Ouais, c'est Vincent McKay. Ça a pas à mélanger deux. Oui, bon, bah voilà. Ils ont à peu près les mêmes rôles. Alors attention, à poster sur Instagram Hi, there is a real messaging app for hashtag Instagrammer. Go to arrobas instamessage-app download and chat with me now, hashtag instamessage. Donc un truc qui s'est mis quelqu'un automatiquement... Quelqu'un qui s'est fait hacker... Qui s'est mis automatiquement un message Instagram. Putain, mais il est nul là. Mais pardon, vous êtes, on est, pardon, c'est radiophonique tout ça, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Non mais c'est impossible de pas trouver. Jonathan, tout d'un coup, il s'est transformé, on dirait qu'il a la tête de sa fille. Que, tout d'un coup... Il a bu de l'eau, non? Non mais il est ridicule. Non mais c'est impossible de pas comprendre que c'est lui parce que oui, tout d'un coup mais... il a sa petite tête donc comme... Non mais est-ce que je te montre ou pas? Non mais justement. Vas-y. Non mais parce qu'il a fait la même tête tout à l'heure sur... Bon là je vais dire que c'est Jonathan. Mais oui, c'est Jonathan. Enfin... Je dis que c'est Jonathan. Mais c'est impossible de... Et c'est vrai. Et c'est Jonathan. Et c'est toujours... quoi ça? C'est quoi toujours sur, son Insta. Sur mon Instagram. Ah mais c'est toujours là. C'est toujours là. Toujours là. Ça n'a pas bougé. Je l'ai jamais enlevé. Hi friend, I'm on Insta. Et c'était un délire. Je sais pas où il... T'as pas... Tu te souviens pas de ça? Ah pas du tout. Mais moi j'ai eu Instagram tard hein, ceci. C'est un truc pour inviter des gens à aller sur Instagram. Et je sais pas, on m'avait fait ça. J'avais fait ça et j'ai jamais compris. Ça c'était... Ça c'est... s'est mis tout seul. Oui. Ouais, je sais pas. C'est des trucs un peu comme Facebook. Oui, des fois ça. Et je l'ai jamais enlevé. C'est toujours là encore. Toujours. Ça me fait marrer ou... N'hésitez pas à liker. Pourquoi tu l'as pas supprimé? Bah, ça m'éclate. Mais t'as fait des vrais progrès en Instagram. Moi je me souviens d'un Jojo qui fait des captures d'écran, qui reposte la capture d'écran. Oui, non, c'est catastrophique. Là, il y a un qui commence à se professionnaliser. C'est pas mal. Parce qu'à la base, c'est quand même. Ton arroba c'est Jonathan Cohen avec un S. Oui. Ah oui, alors d'ailleurs, mais parce qu'il y en a beaucoup trop. À l'époque, il y en avait beaucoup. Alors c'est marrant parce que toi t'as rajouté une lettre et moi j'en ai enlevé. Et je ne sais pas m'expliquer pourquoi je m'appelle Nakash sans E. Ah, est-ce que c'est pas parce que pas. Une question de place, non? Mais non, je crois pas. Je crois pas, parce que moi c'est Florent Bernard, c'est tout aussi long, je pense. Non, je pense que c'est quand même beaucoup moins long. C'est vrai, c'est moins long. Ouais, vraiment, vraiment moins long. Je vois que vous êtes très bon au Scrabble, excusez-moi, pardon. Ça fait du mot contre triple. J'ai une salle de cinéma avec un zéro à la place du haut. Oui, moi c'est insupportable. Mais parce que Florent Bernard là pour le coup, un milliard. Mais je reviens sur Brad Pitt aussi. Moi, parce que j'en ai jamais parlé dans cette émission. Alors, allez. Moi, j'ai croisé Judd Apatow. Ah bah oui. Et Adam Sandler. T'en as pas parlé. Et Adam Sandler, j'en ai jamais parlé. Adam Sandler, je l'ai croisé et je sais que Géraldine aussi. Ouais. Et que bah oui, moi... parce que tu l'as. Voilà. Et tu l'as croisé où toi alors, Adam moi, Sandler? Moi c'était à Opéra parce qu'il tournait à Opéra son le Murder Mystery 2 avec Aniston. Alors pour le coup, Sandler, je l'ai cherché un peu. Oui. Je ne vais pas faire genre. T'as j'ai cherché. Pas stalké. Ah, mais le fait est que. T'as nié un peu que tu disais, bah, tu l'as stalké. Tu dis non, pas du tout. Il a fini par avouer qu'il l'avait totalement. Je vais vous dire ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il tournait vraiment. Faut savoir que j'habite pas très loin de ce quartier. Et donc je tournais souvent dans ce truc-là. Et vraiment, ils ont tourné les trois quarts du film. Non, pour le coup, quand je fais mes cours, et donc il y avait des énormes. C'est un énorme film, donc t'as des grues, des trucs, t'as du Netflix partout. Donc je me dis, putain, c'est quand même horrible. Il y a littéralement Adam Sandler dans mon quartier, et je le crois jamais. Et je commence à voir, entre autres, une photo avec Géraldine. Tu vois qu'il est dans Paris, je vois qu'il est, tout et que l'attrape. Les gens la voient, et qu'il est trop cool apparemment, parce qu'il fait des photos avec tout le monde. Je dis, putain, j'ai vraiment pas de bol. Et donc je commence à en faire part sur les réseaux sociaux. Et c'est là où quelqu'un, je ne dirais pas qui, de l'équipe. Qu'il tournait à un tel endroit et qu'il allait souvent faire des post-clopes. Et donc j'y suis allé et je l'ai croisé direct. Que j'y suis allé, je l'ai pas attendu devant non plus ou truc. J'y suis allé avec ma fille. T'as pas attendu devant, mais t'as marché avec... Ah non, j'y suis allé pour le voir en, disant, en espérant que je vais le voir. Et s'il avait pas été là, j'aurais pas attendu, je me serais barré. Mais du coup, j'y suis allé, me dit ah bah là, il est dans le coin. T'as fait des petits tours quand même. Tu es horrible. Voilà, je te souhaite beaucoup de mal. Y a aucune honte à avoir fait ça. Moi, j'ai un peu honte d'avoir fait ça. Mais moi, j'ai méga honte parce que moi, pareil, je lui ai couru après, j'étais rue des Rosiers. En taximoto, Boris taximoto, trop sympa. Donne un hume demain. 06 quand on balance des trucs Boris comme ça, taximoto, Boris taximoto. Et Boris taximoto, il est en train de slider comme ça rue des Rosiers dans le marais, une petite rue où justement il est obligé de ralentir. Et là, il y a le mec de l'As du Falafel qui me dit hey, GG, t'as vu qu'il y avait une star là-bas? Je me dis oh là là, qu'est-ce qu'il a? Il me dit mais regarde qui y a. Je me retourne, je vois qu'il est là. Je saute littéralement de la moto, mais vraiment, Top je cruise. Cours après. J'enlève le casque. Et je sais ben d'ailleurs je le raconte sur Instagram puisque j'ai posté la photo et j'ai tellement honte parce que je suis essoufflée, je suis dégueulasse, je suis face à lui, il sait pertinemment que je vais lui demander une photo. Ouais, bah oui. Et je ne sais pas pourquoi au lieu de dire je veux bien une photo, je dis je suis la sœur de Yves Nakash, le mec qui a fait Intouchable, vous connaissez? Bête comme ses pieds. Mais bête. Et à l'américaine, il t'a dit oh wow. I don't know. Oh wow. Ah putain. Et après j'ai quand même dit aussi, ça je l'ai pas raconté, je connais aussi Mélanie Laurent parce que je savais qu'elle tournait. J'ai dit que de la merde. J'ai vraiment dit que de la merde. Vous savez que je connais aussi Patricia Cass, hein. Je m'emballe que... Oh, vous parlez français. Oui, depuis le début. Je voulais juste pas vous parler. Vous me cassez les pieds pour faire les folles. Mon pied. Alors hier, il y avait le monsieur avec son bébé. Monsieur du falafel. Le monsieur du falafel. J'ai rencontré Kevin Smith. Non, mais et donc la photo, moi, c'est avec ma petite. Oh, et il a été trop mignon avec la petite. Il fait Ah, I got a baby. Ah, that's the best, man. Et il a fait une espèce de petite. Petit shampoing mignon à mon bébé. Ah, alors, trop ça, fort, un peu trop fort. La fontanelle, ouais, ça, ouais, mais, ça valait le coup. Franchement, ça valait le coup. Non, elle louche. C'était lui. Elle louche. Il l'a frotté comme une lampe. Elle bouge pas son bras droit, mais ça valait super, super, c'est lui. Elle fait du 4 pattes, elle a besoin d'être un peu contre le mur, mais franchement, elle est adorable. Non, franchement, ça valait. C'est grâce à Adam Sandler. Et Judd Apatow, par contre, je suis tombé dessus par hasard. Judd Apatow, je revenais du ciné et je vois un attroupement. Vers un hôtel et en fait c'était pas pour lui, c'était pour sa fille Maud Apatow qui est dans Euphoria, plein de petites adolescentes qui pour le coup attendaient devant l'hôtel et tout, et je les vois sortir et je vois un gars attendre sur son portable et c'était vraiment Judd Apatow qui sont parce que personne, enfin tu vois, moins forcément que Maud Apatow, et en plus il y a sa femme aussi, les Slimane, oui, bien sûr, il y avait sa femme aussi là, il y avait tout le monde, il y avait toute la famille, en fait c'était leur voyage de noces, les Slimane et Vita, ou leur voyage de noces avec leur fille, l'anniversaire de leur mariage, je sais pas quoi, tu vois, les Slimane, ils sont plusieurs, les Slimane et Vita, attends, t'as ramené les Slimane, c'est exceptionnel, t'as ramené les Slimane et Vita, une seule, juste une Vita, une bande de Slimane. Waouh, c'est génial! Mais une seule Vita pour une seule Vita pour 12 Slimane. J'ai qu'une Vita, mais j'ai un max de Slimane. J'ai dit les Slimane! J'ai trouvé tous les Slimane possibles, mais une seule Vita. Que les chansons d'amour pour 12 personnes. Tu vous m'avez quitté! Et Apatow, adorable. Et par contre, lui, pour le coup, je me suis senti obligé de dire, ben voilà, aujourd'hui, en anglais, bien sûr, je ne voudrais pas vous le refaire en anglais, mais j'ai dit, ben voilà, si je fais ce métier, c'est quand même grâce à vous, oh, vous génial. M'avez beaucoup apporté, merci beaucoup. Et bah, il était évidemment un peu gêné, il fait, ah bah, c'est cool, merci. Touch ah, my balls. Oh, John, excusez-moi, sorry, but touch my balls. Oh, sorry. My foot. Alors, j'ai une salle de cinéma à mon nom. Est-ce que c'est la salle Nakash ou est-ce que c'est la salle Cohen? Oh là là. Qui vient de dire, oh, c'est pas moi. À ton avis, c'est qui? À ton avis, c'est qui? À dire, c'est Géraldine. C'est Géraldine Nakash. Non, j'ai envie de dire. Alors oui, c'est vrai. Mon frère et moi. On a le nom de famille Nakash. Là, on a, c'est la grande joie de mes parents, c'est qu'on a grandi à Puteaux, comme et on sait. Il y a une salle à Puteaux. Et à Puteaux, il y a un cinéma qui s'appelle Le Central où il y a deux salles dedans, tu ris pas, Jonathan. Non, c'était la question de. Ah, il y a une salle de ciné à Puteaux. Et dedans, ils ont appelé une salle Nakash où mon père est donc tous les jours. Combien de places? Que les films qui passent. Bah non, mais attends, je crois que c'est 200 places. Hein. Ah ouais, pas mal. Une vraie salle en exploitation classique. Mais ça, c'est très stylé. Bien, mais c'est ultra stylé. Tu vas te calmer. Tu veux un étage là. Donc tu vas au cinéma Le Central Puteaux et tu prends ton ticket et tu vas voir un film dans la salle Nakash. Oui, bah, si j'ai chanté sur une scène devant des milliers de personnes. Jojo, ouais, Orelsan. Eh ben là, oui. Bah si, si, Jojo. C'est les deux, non? Toi, t'as pas. J'ai chanté, moi. Ah ouais, j'ai noté sur avec combien, j'ai oublié son nom alors que c'est la chanson culte du film. Leïla Bekti. Avec Véronique Sanson. Ah, la chanson de Véronique Sanson. Ah ouais, vous l'avez dans l'âge. Ah non? Alors c'est fou parce que non. Alors je sais pas qui a menti. Quel sabotage de qui a menti? Mais c'est vrai que non, parce que c'est vrai qu'elle avait fait un Olympia pas longtemps après la sortie de Tout ce qui brille où on chantait la chanson sur ma drôle de vie. Et elle nous avait demandé de venir, Leïla et moi, chanter avec elle live à l'Olympia. Et on n'a pas eu le courage d'y aller. Mais on nous avait pas annoncé, on n'a pas planté. Okay. On a juste pas, jamais eu le courage. On s'est dit, on peut pas faire ça. On n'est pas chanteuse, quoi. Oui, mais pour l'image, parce que c'est vrai que ça fait revenir un peu la chanson à l'époque. Quand ouais, même. Carrément faire revenir la chanson. Il y a d'ailleurs des gens qui continuent à croire que c'est une chanson de Leïla et moi. Ah ouais. Oui. Ah. Mais cela dit, quand tu googlises la chanson, enfin quand tu sur Spotify, quand tu tapes la chanson, on te propose très vite Géraldine Nakash et Leïla Bekti. Ah ouais, ouais. C'est honteux parce que c'est quand même vraiment vraiment Véronique Sanson. Non, il y a d'abord, je te rassure, il y a d'abord Véronique Sanson, mais vous êtes juste en dessous. Vous êtes juste en dessous. Bah c'était une joie de chanter cette chanson, mais il y avait le studio, il y avait tout ça, et tout d'un coup aller à l'Olympia, on s'est dit non, on n'a pas le courage. Donc du coup on l'a pas fait. En revanche, on a chanté avec elle pour les bonus. À l'époque il y avait des DVD. À l'époque il y avait des bonus de DVD. Donc pour les bonus du DVD de Tout ce qui brille, on a été chez elle. On nous a suivis avec une caméra et on a chanté toutes les trois la chanson qu'elle avait un petit peu oubliée. Ça c'est quand même. Mais ça me manque moi les DVD. Là, parce que typiquement sur La Flamme et le Flambeau, j'en ai 4000. Ouais, j'en ai beaucoup. Moi j'ai 4000 DVD. Et c'est vrai que ça aurait été cool. Il y a des bonus, des trucs. Du coup, ce qui est cool, c'est que vous les avez tout mis sur YouTube et surtout. Ça fait plaisir. Le DVD il est pas ouf. Ouais, il est un peu pas ouf. Ouais. On sent que c'est la fin du DVD. Bah voilà la rondelle là. voilà. Toujours, c'est quoi c'est nord-ouest ça. Ouais, sud-ouest. C'est Fernandel en tout cas. Voilà. Bon la rondelle. Mais il y a de l'olive plus j'ai. Et à la photo tu l'avais là où il y a le trou. Quoi? Ah oui. Du DVD. La photo le trou, la rondelle. Mais bien, je vais bien sa gueule là où il y a le trou là. Lui, là. Je vais pas le blairer, je vais pas bien l'impressionner. L'impressionner. Ouais. L'impressionner. Non, mais toi, tu as fait la défense il y a quelques jours. Mais mec, c'était fou. C'est incroyable. Alors, parce que t'avais déjà fait Bercy. Ah ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Bah, t'as fait un festival. J'ai fait un festival de 20 000. Là, j'ai fait Bercy, c'était 15 000. Là, ouais, la lampe allongée d'a grillé. Ouais, tu peux mettre celle-là, ok, là-bas. Attends, la défense, c'est quoi la jeu? 40 000 personnes. Wow, ah ouais. J'ai chanté devant 40 000 personnes. Donc c'était le Bercy de Orelsan. C'était le dernier. Wow, et c'est magnifique. C'est fou la chance qu'il me donne quand même de faire un truc dingo. C'est-à-dire d'être sur scène devant déjà devant 40 000 pour une chanson d'un niveau. Mais comme à chaque fois, je vois une vidéo YouTube. Moi, c'est ça que je trouve joli. Ouais. En plus. Mais oui, c'est un petit truc quoi. Non, un truc qui se crée en live. Un truc assez beau entre Aurel et toi aussi. Donc ça, tout ça, c'est cohérent aussi que ça finisse en apothéose comme ça, je trouve. C'est cohérent. En tout cas, ce qui est cohérent chez lui comme chez moi, c'est cette envie du moment. C'est-à-dire, il a un truc qui sait jamais. Enfin, toi, là, en l'occurrence, il m'appelle, il me dit vraiment. Tu veux pas venir sur ma tournée? Ça c'est bien, ouais. Ça c'est une bonne imitation. Voilà. Tu veux pas venir sur ma tournée? Bonjour, c'est Orelsan. T'as ce Big Flo? C'est Orelsan. Et voilà, je le cache à tout le monde ça aussi. Et vraiment, il sait, il ne sait pas ce qu'il m'a dit. Ouais, tu montes sur scène, on trouvera. Ouais, j'adore. Et moi, c'est tout ce que j'aime dans la vie, c'est ça. C'est, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on va trouver des trucs à faire. Et de là est sorti le perso, et puis après quand même. La blague est tellement partie. Après, il y a eu le confinement, il y a eu tout ça, il a pris une autre ampleur. Et puis après, il m'a dit bah, franchement, il faut que tu viennes à mes concerts. Faut que en tu fucking passes Fred. En fucking Fred. Et en plus, les gens, donc vu le public d'Aurel, quand même, le connaissent en majorité. Donc, t'es pas un mec qui fait tâche. Ah, bonjour. Et là, tout le monde se dit bah, c'est cul, lui. Tu vois, non. Donc, moi, je veux vrai, savoir qu'est-ce que t'as dans le ventre quand tu rentres. Mais en, tu vas voir, en fait. Des petits papillons, justement. Non. De ils sucent. Non, non, en vrai, ce qui est assez fou, je c'est que j'ai pas si peur que ça. Ah ouais? Non, je suis. Un petit boulard, là? Oh, non. Non, non, c'est pas boulard. Ne pas avoir peur, ça va pas être boulard. C'est juste qu'en vrai, je sais que le public va être content en plus, un peu. Et puis, non, je suis hyper excité, j'ai envie de monter. J'ai pas peur. Et tu vois, Bercy et tout, quand même, tu vois les salles folles. Ah ouais. Tu vois vraiment un mur de gens. Là, c'est dingue. Et tu te dis, putain, on va kiffer. Ouais. Et donc, en vrai, et pourtant, je suis quelqu'un de très traqueux, très peureux, très tout ouais, ça. Ouais, bah ouais. Mais il y a un truc qui est en train de changer aussi, tu vois. Ça, tiens, ça, on en pleine évolution en ce moment. Non, mais oui, je suis. T'es un Pokémon ou je rêve? Bah ouais. Bah ouais. Coco, l'évolution, c'est jeu doudou. Non, mais en vrai, je suis vraiment. Les peurs que je pouvais avoir, elles se transforment là maintenant en excitation et en défi. Ok. Et j'ai plus peur. Si je sais que ça va faire plaisir aux gens, ouais. Je n'ai plus peur. Non, mais je peux comprendre. Parce que moi, sur la tournée, parce qu'on a fait une tournée avec le truc, et j'étais persuadé, parce que j'étais un peu dans mon modèle d'avant, où je me disais, je vais me chier dessus ouais. Et en fait, j'étais. Plus ça avançait, plus j'avais pas peur. Je me disais, bon, il y a un moment. Et où, en fait, j'ai jamais eu le trac, rien. Mais parce que, à partir du moment donné où les gens sont la véritable cible, et plus toi, est-ce que tu vas être bien? Est-ce que je vais être assez naïnana? En fait, dès que c'est pas égocentré, ça marche. C'est ça, dès que t'es vraiment sur les gens de putain, ils vont kiffer si on fait ça. Et Aurel est exactement dans ce spirit-là. Encore plus, parce que lui, il crée des concepts, il veut créer des mindfuck pour les gens, les emmener dans. Vraiment leur faire plaisir. Et du coup. T'es moins dans la peur que dans le plaisir. Et après tu peux te planter. Oui. Voilà quand même la première fois t'oublies les où il m'invite. J'oublie toutes les paroles devant 20 000 personnes. Et à ce moment-là, la vidéo n'existe pas en plus. Moi, c'est ça le truc, c'est que t'arrives vraiment, les gens savent vraiment, j'arrive. Cohen, j'arrive. Non, mais j'oublie tout. La musique, la chanson à 7 minutes dans ma tête, elle est faite 7 minutes avant. Donc j'arrive comme ça, mais avec une inconscience folle. J'oublie tout. Et ça m'éclate. Ouais. C'est-à-dire que je suis là à dire waouh. Mais tu te marres dans la vidéo, on entend que tu te marres. Ouais, je me marre parce que ça m'éclate. Je me dis, mais à quel niveau de débilité. En fait, j'ai conscience de la situation et j'en ris parce que je me dis, c'est débile, mais ça m'éclate de vivre ça en fait. Ouais. Et donc j'ai un peu transformé cette vapeur un peu qui a été mon moteur, attention, pendant des années. La peur, quoi, la flip, peur, la flip. Mais en vrai, la flip à mon endroit. C'était de l'ego mal placé, tout simplement d'espèces de trucs de non, on va voir si ça marche, mais j'ai peur de. Tu vois, il y a un truc que tu. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Ouais, c'est ça. En vrai, c'était tellement égocentré à l'époque que t'as peur d'être une merde. T'as peur, quand t'es là-dedans, tu n'as que peur qu'on te trouve nul. et on va pas t'aimer. Ah et ouais, voilà. Et maintenant, vu que c'est pas tant qu'on, je veux pas qu'on m'aime plus, c'est que je veux. Tu veux t'amuser en fait. Je veux m'amuser, je veux faire kiffer les gens, donc mon regard se déporte sur l'extérieur et pas sur l'intérieur. Non mais. Ça a failli péter, hein. Ça a failli péter. Ça a failli. J'ai fait un silence. Baba, la baba, on en sort grandi, on en sort grandi. Peur de rien, bonjour. C'est vrai qu'Aurélie, il a ce truc de. Il se pose beaucoup de questions sur la fabrication, mais aucune question sur ses envies. Ouais. Parce que même quand il avait fait bloquer avec nous à l'époque, c'était ce truc de. Tu te dis, il fait un film, un programme court pour un rappeur. C'est ouais, con, ouais, c'est vrai, c'est mais vrai. C'est se lancer dans des trucs où il a pas besoin de ça en plus, mais parce qu'il a juste envie. Carrément. Et sur le moment, par contre, il va se dire, putain, mais est-ce que. Enfin, c'est ce qu'il dit dans son docu. Oui, oui, oui. C'est mille fois, il se dit, putain, est-ce que c'est pas de la merde ce qu'on fait Est-ce que c'est pas une cata? C'est le travail, ça, c'est le fruit du travail en fait. Mais c'est ça, mais une fois qu'il est lancé, il dit, non, vas-y, je veux le faire, j'y vais. Et c'est vrai que ça, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant chez lui. C'est bientôt la fin de l'émission. Non, dégoûté. Non, encore 10 minutes. Ok. Dans le Michigan, j'ai rien. Oh non, il a dit le Michigan quand même. Moi, ça m'éclate. Michigan. Moi, j'adore tout ce qui est les States. Je voulais vous prévenir, pardon, en amont, mais c'est pas grave. C'est pas très dur ce que je vais vous demander. Des recommandations culturelles, à savoir des trucs que vous avez aimés récemment. Alors, c'est pas forcément des trucs récents, ça peut l'être, mais c'est des trucs que vous avez consommés récemment. Ça peut être un film, une série, un album, du théâtre, de la littérature. Ah ouais, non, mais c'est tous les arts. Alors, non, mais c'est marrant. Je comprends. Alors, c'est marrant parce que comme on, je sais pas quand est-ce que, mais bon, quand même un peu Noël. Il sort lundi, il sort dans 4 jours. Bah, c'est très bien puisque, comme c'est le début de Hanouka, le début de Noël, j'ai été acheter un peu des petits cadeaux. Bien sûr. Et avant de venir ici, j'étais dans une librairie. Oh. Et qu'est-ce qu'elle a acheté? Eh bah, elle achète toujours le même livre qu'elle veut offrir. C'est les. Vous connaissez les livres les photos de Wes Anderson? Bien sûr. Alors, j'adore. Vous voyez ou pas? Enfin, en fait, c'est mise en scène, quoi, les trucs en fait, c'est une page Insta à la base, et je savais pas. Il y a pas longtemps, il a fait le livre de la page Insta. Mais c'est pas. Il s'appelle Accidentally Wes Anderson. Et c'est les meilleures photos qu'il a prises. Les photos sont folles. Très beau livre de photos. C'est ça. Ouais. Sublime. Adrien Méniel. Non, moi j'ai. Tu vas sortir les doigts. J'ai et tu rien vas... pour l'instant là. Et Jonathan, alors je me tourne vers Jonathan. Mais non, moi j'ai été dans un endroit qui m'a un peu. Comment dire? C'est que en famille, on a été voir le musée du chausson et c'est assez fou. Oh, il nous a eu. Je vous ai eu, hein. Ah, ouais, on y était, J'ai mis la vraie bonne vibe, le vrai truc. Ni moins qu'une marguerite. J'étais et tu m'as musée du pain d'épices et musée du chausson. Non, non, un film, une série, quelque chose. Non, par contre, j'ai très envie de voir The Offer, qui a l'air dingo. Donc je l'ai pas vu, mais The Offer, non, tu sais, sur comment ils ont écrit, créé le parrain. Ah oui, il paraît exact. Que c'est dingue. En tout cas, ça me passionne. J'ai très envie de le voir. Donc il y a plus une envie qu'un truc. Et la saison 2 de White Lotus, non? Ah, j'ai pas vu. Ah, j'ai vu. Ouais, moi, il paraît que c'est dingo. Alors, t'as fini? Ouais. Dingo, non? Ouais, c'est bien. Ouais, ouais. The Offer, c'est avec Miles Teller. Ouais, exactement. Et ça, voilà, ça fait partie des envies. Les envies prennent vie. Des envies. Du côté de chez vous, je veux dire. Exactement. Ça, c'était fou cette émission sur les belles maisons. Vous vous souvenez? Enfin, ça doit exister. Tu vois, c'est le seul vrai jingle de toute l'émission. C'est incroyable, c'est dire, bah alors voilà, ça c'est ma maison, elle est faite tout en tuiles. Et tu dis, mais enfin, vous êtes juste riche. Oui, c'est ça, des maisons riches. Alors moi, pour l'écologie, quand même, il y a des trucs partout. Tu dis, oui, mais parce que t'es milliardaire, c'est très simple d'être écolo. Ça a pris quand même 5 ans de confession. Alors c'est vrai qu'on est riche. Mais personne dit ça, mais ce serait génial. Après, nous, ça a été beaucoup aidé par l'énorme salaire qu'on a chacun. Non, on a pris du bois. D'Andalousie, mais c'est vrai que c'est un bois qui coûte excessivement cher. Mais comme on est comme pour nous, riche c'est rien. Ouais. C'est rien. Pour nous, c'est rien du tout. Nous, c'est rien. C'est tout. Et on a pris un archi qui est génial, mais on a pu l'avoir parce qu'on est riche. Richissime. Il coûte une blinde. C'est un Suédois. D'ailleurs, il s'est arrêté de travailler tellement on l'a payé cher. Adrien. Alors, moi, j'ai plein de podcasts. Je vais essayer d'aller vite. Non, enfin, c'est soit des podcasts, soit des émissions de radio qu'on peut réécouter en podcast. Vas-y. Donc, il y a un épisode d'une émission de radio de France Culture qui s'appelle Toute une vie. Il y a un épisode qui est consacré à Jean-Pierre Bacri, qui fait un peu la suite, qui est un peu comme un complément du reportage, du documentaire hyper bien qu'il avait eu sur lui. Oui, où c'était Gilles Lelouch qui faisait la voix off, je me souviens de ce. Voilà, et donc c'est Jean-Pierre Bacri tellement libre, le nom de l'épisode. Jean-Pierre Bacri tellement libre. Tellement libre, ouais. C'est un super portrait qui raconte des trucs plus que j'ai pas eu dans le documentaire. Explique-moi, j'ai pas compris. Il y a aussi c'est une interview de Jean-Pierre. Non, à l'époque. Non, c'est un portrait. Il y a des interviews de gens proches. Enfin, c'est un peu comme la structure du documentaire. Ah, d'accord, si ouais. Bien sûr. Mais bah, t'as des infos en plus, t'as des trucs que tu d'accord, sais pas okay. Et tout. Donc, est-ce qu'on peut reconseiller, on en avait parlé, j'ai oublié le nom, la, c'est éclectique l'émission à laquelle il oui, avait parlé de Rebecca Manzoni. Mais ça, c'est, qui, ouais, c'est, non, c'est très bien. Interview, ouais, c'est une des plus jolies interviews de Bakri, ouais, et plus intéressantes interviews de Bakri, c'était dans Éclectique. Et sinon, une autre émission de France Culture qui s'appelle À Voix Nue. Okay. Où là c'est des interviews, mais c'est en 5 parties, en 5 épisodes, et ils ont, il y a une interview de d'Agnès Jaoui, okay, qui est hyper bien aussi. Mon idole. Ben voilà. Il y a un film avec ouais, avec elle ouais, qui fait, qui sort dans pas longtemps. Ouais, on en a moi aussi. Ouais. Ah ouais, toi aussi, c'est vrai. Non. Oh, il fait le tête. Bah non, bah on propose pas. Non, parce que c'est vrai que je parle souvent de Bakri, mais en fait, bah oui, Agnès Jaoui, j'adore. Oui, et là, j'étais trop content de voir qu'il y avait une interview à voix en 5 nue, et... à voix nue, ouais. Et bah, quoi, mais elle est dans les 5 épisodes. Ouais. C'est wow, les 5 épisodes. En fait, c'est le principe que je connaissais pas l'émission, mais c'est des interviews sur 5 épisodes à chaque fois. Donc, du coup, ils ont vraiment le temps de parler génial, de plusieurs trucs, de thèmes et tout. C'est vachement intéressant. Un autre, alors un stand-upper dont j'ai parlé plusieurs fois, c'est Stavros Alkias. Oui. Qui est souvent sur Insta et tout. Qui est, attends, donc qui est grec? Bah, d'origine grecque. Ouais. Mais il est français. Il est, non, il est américain. Il est américain des States. Et il lance un podcast là, okay, qui s'appelle Stavis World. Donc, bon, c'est un peu, c'est juste des entretiens avec des gens où ça parle de un peu ce qu'on fait là, mais ouais, avec juste deux personnes. Et comme lui, je le trouve très marrant, bah, ça, j'aime bien. Stavros Alkias, H-A-L-K-I-A-S. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il poste beaucoup sur Insta d'extraits de stand-up où notamment il parle avec le public et tout. C'est ce dont je suis pas forcément fan d'habitude, ouais, mais lui il est très bien, marrant. Ah ouais. Et il me fait beaucoup rire. Et enfin, Neil Brennan. Oui, on en a parlé ici. Qui sort très un podcast bon stand-upper. Aussi. Et bah ouais, il sort un podcast qui est basé qui s'appelle sur son spectacle d'ailleurs. The Blocks, enfin juste le nom. Enfin oui, c'est, oui, c'est basé, oui. C'est The Blocks podcast où c'est des entretiens avec. Là, le premier épisode c'est avec David Letterman. Pas mal. Génial. Donc ouais, en premier invité, génial, ça va quoi. Ah ouais. Et du coup, c'est un peu sur. C'est un peu axé sur les angoisses et les trucs qui nous bloquent justement. Ah bah Jojo, tu peux pas la faire l'émission. Non. Ouais. Du coup, t'as plus peur. Bah, de il aurait pu la faire il y a 10 ans. Attendez, un gars qui a peur de tout. Les blocs qui se soignent. Mais oui, qui c'est ça. Les blocs ils sont fissurés, mais ils sont toujours là. Ah bah, pas moi qui ai de la fissure. Je couvre mes blessures avec des cris. Qui est ton et album, donc, ça aussi. Ton ah album ouais, de chanson. Je couvre mes blessures avec mes cris. Merci. Et voilà, et bon, c'est bah, voilà, pas mal de petits recos là. Ah ouais, oui, j'ai trouvé une extrémité. Pour la route, pour la route des vacances. Parce que ouais, les oui, gens, oui, ils oui, nous non, écoutent, c'est, ils c'est nous écoutent. On est le 22, 23, un truc comme ça. Donc voilà, ils nous écoutent. Pour partir ou en si famille, vous attention un... sur la mais route. Mais mec, merci d'ailleurs, parce qu'il y a à boire, il y a à manger. Hein. Bah moi, ouais, j'ai juste dit que je voulais voir une série. J'aimerais bien voir The Offer. J'avais oublié de noter ça. Bah, merci. Bon, écoutez, merci beaucoup d'être venu. Ouais, c'était merci super à vous, cool. Les gars, franchement, ouais, on a rigolé. C'était hein, chouette, ouais, on a beaucoup rigolé. Alors, petit peut-être état des lieux promo. Vous avez des trucs qui vont ça arriver. Ça passera quand ça sort, je te dis, lundi là. Donc, on est le 20-21. Bon, déjà. En commun, il y a toujours le flambeau sur ma canal, également la flamme. Je sais pas si j'ai le droit de dire. Quoi ? Mais peut-être si, pas le droit de le dire. Ah, pardon. Mais on est à 100 millions de vues. Hein. Ah, ah, pas mal. Ouais, ouais. Pas si, mal. Sur la flamme et le flambeau. En tout, 100 millions de vues. 100 millions de vues. Rendu... Quoi ? En cumulé. Ah, j'ai compris. En ouais, cumulé. Non, j'étais déjà. Enculé. Enculé. Enculé le bas. Enculé lui avec ses 100 millions. Oh, le bon que t'as. Enculé. Mais non, mais en vrai, on est. Chance. C'est. Ouais, ouais, c'est beaucoup. C'est un joli chiffre. C'est un beau chiffre. 100 millions, je le dirais presque. Inventé. Ouais, c'est complètement inventé. Il y a 100 millions de personnes. T'es crédit fraude en fait. Il y a combien de gens qu'on a vu 100 millions. Non, mais après, c'est. Oui, c'est équivalent de deux pays côte à côte. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, tout simplement. Non, non, mais oui, gros succès, c'est vrai, on peut le dire. Gros succès. Bah, non, mais c'est flambeau, cool, ça c'est fait cool, plaisir. C'est cool, non il bah, y a Astérix qui va sortir ah bah en oui, février. Premier février. Et l'Empire du Milieu. Voilà, et puis il y a des petits projets qui sont tournés, mais qui viendront plus. Oui, mais ça, on dirait, Géraldine, toi aussi, des films qui arrivent. Eh bien, tu dis toi aussi, alors que pourtant, le film qui arrive, c'est toi non plus, tu n'as rien vu. Ok, pas mal, au cinéma le 8 mars. Le 8 mars, c'est vrai. Le 8 mars. C'est avec qui ça ? C'est avec Grégoire Collin et Maude Wheeler. Trop sympa, trop sympa. Exactement. Voilà, et le cours de la vie donc avec Agnès Jaoui. Le cours de la vie avec Agnès Jaoui début mai, je sais plus la date pardon. Super. Et entre-temps, et si vous avez fait un autre truc tous les deux ? Que non. LOL Kiris. Ah mais oui. Il a répété. Oh, ça il l'a fait dans l'émission. Ah bah ça je l'ai fait. Ça a fait rire, je peux te dire, je vais pas dire qui ça a fait rire, mais ça a fait rire. Non mais sans trop rire, c'était cool, vous avez kiffé ? Ouais, c'était exceptionnel. C'est assez fou, j'imagine. Ah ouais, c'était super. Grande moi, aventure. Juste un truc, je suis arrivé avec 11 heures de vol dans la gueule. Oui, est-ce que tu tournais à La Réunion? Je tournais à La Réunion. Okay, il a perdu, il tire des excuses. J'ai pas perdu. J'ai pas gagné non plus. Mais pour avoir l'émission, pour savoir. En vrai, c'est des émissions qui durent très longtemps. C'est très très long, c'est extrêmement. Et t'es dans des 12 heures, et moi j'avais du jus pour 3 heures. 25 minutes. Ça va les gars? Non, mais il a quand même été hilarant. Il a quand même été hilarant. Non, mais c'était fou d'être enfermé dans une boîte comme ça pendant team, autant de gens marrants. La team est, était incroyable. Exceptionnelle. Exceptionnelle. Ouais. Et bien, vous reviendrez nous en parler. Oui, c'est ce qu'on dit toujours. Et puis après, on n'invite plus. Arrête. T'as un emploi du temps, celui-là aussi. Bon, en tout cas, merci beaucoup, tout le monde. Merci. Bisous, tout le monde. Ciao. Bisous. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.